Je ne parle pas de Montréal, de toute façon. J'ai été à Rimouski, par exemple, qui est une des grandes villes du Bas-Saint-Laurent, qui est une université. Toutes les façades le long du fleuve sont tournées dos au fleuve. Les rues principales font dos au fleuve. Et c'est vrai aussi parce qu'en hiver, quand il y a des vents qui sont trop froids, qui s'ouvrent du fleuve et qui fait particulièrement froid, ça, le vent étant plus élevé sur la vallée du Saint-Laurent et le fleuve. Et donc ce matin, pour faire un résumé, on discutait justement, ils sont en train de préparer une exposition sur redonner toutes une partie des berges qui sont les anciens sites industriels, une partie du port qui va déménager aussi. Beaucoup d'endroits à Montréal, les rues, parce que c'est un plan d'amis ici à Montréal, les rues ne donnent pas accès au fleuve. Par exemple, en dessous du pont Jacques-Cartier ou à l'est du pont Jacques-Cartier, la plupart des rues ne débouchent pas parce qu'il y a les voies de chemin de fer qui sont là et qui empêchent l'accès au fleuve. Donc, l'idée, c'est de redonner l'accès au fleuve, d'en faire par exemple des zones piétonnes ou des infrastructures un peu. Alors ce matin, je leur parlais des inondations. Justement, pas installer des trucs trop lourds parce que justement, il y a quand même le niveau du fleuve qui risque de changer dans le contexte des changements climatiques. Puis trouver l'idée intéressante parce qu'en fait, c'est ça, Montréal n'utilise pas sa voie, on n'a pas de navette par exemple, ou très peu de navettes pour transporter les piétons, les vélos. Là, ils parlent enfin de peut-être créer une navette entre l'île de Laval parce que Montréal est une île. Hein. Donc on n'utilise pas assez souvent les plans d'eau pour en faire aussi des voies navigables de circulation, désengorger le centre-ville. La ville de Montréal, certainement vous êtes au courant, ça va me faire plaisir d'ailleurs d'entendre parler de vous et pas juste parler de moi, mais la ville de Montréal est une des villes résilientes, 100 villes résilientes au monde avec Paris, et a pour objectif justement d'augmenter sa capacité justement de... Bonjour. Bonjour. D'améliorer la résilience, l'environnement, protéger la biodiversité, évidemment diminuer notre... excès de consommation de gaz à effet de serre. Vous savez aussi qu'au Québec, on a le triste record du gaspillage de l'eau devant nous. C'est le premier pays qui, en fait, par habitant au monde, qui consomme la plus grande quantité d'eau. Et on est, le Canada est le quatrième pays après l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, de production de gaz à effet de serre par habitant. Alors, beaucoup moins en termes de total par rapport aux autres grands pays comme les États-Unis, évidemment, et la Chine, mais par habitant... Tu parles du Canada. Tout le Canada. Québec est un peu moins pire parce qu'on dépend surtout de l'hydroélectricité pour produire notre énergie. Donc voilà, je m'excuse de cette introduction, mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Et puis, je leur ai suggéré d'inviter, quand l'exposition va commencer, elle va commencer cet été à la Biosphère pendant 3 ans, d'inviter des architectes de partout dans le monde aussi pour qu'ils viennent donner leur idée aussi sur ce que pourrait faire Montréal en ce qui concerne la réappropriation des berges. Du coup, juste pour creuser, c'est vraiment une très bonne introduction de savoir qu'il y a des... que c'est des sujets qui sont latents, que plusieurs personnes travaillent dessus et qu'en fait, des fois, les gens travaillent côte à côte ou à quelques kilomètres les uns des autres et ne sont pas forcément au courant. C'est un projet qui démarre là, qu'ils sont en train de le mettre en place. Alors, c'est assez modeste parce qu'en fait, c'est pour faire une exposition qui va durer 2 ans ou 3 ans. Il y a 26 thèmes d'exposition qui ont été choisis, dont celui-là. Donc, ils préparent l'exposition qui va être à la Biosphère pendant 2 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement déboucher sur un projet en soi. Ça se peut très bien que pendant ces 2 ans-là, ouais. Parce que la biosphère, c'est ouvert au grand public. Hein. La vocation de la biosphère, c'est justement transférer les connaissances scientifiques vers la population. Donc ils ont choisi un thème qui est celui-là, et ils ont plusieurs critères à rencontrer. Résilience, biodiversité, développement durable, réappropriation du milieu par les habitants, améliorer les milieux de vie, transport moins énergivore, transition énergétique, enfin, tous les thèmes dont on entend tous évidemment parler dans la presse. Et... Mais Montréal, c'est intéressant parce qu'on le disait en montant l'escalier, a naturellement aussi des connexions importantes avec certaines villes d'Europe et de France en particulier, Lyon. Oui. Par exemple, un truc tout bête, Lyon a créé on a le marché de la création à Lyon, et Lyon a développé justement, a fait des collaborations notamment universitaires Montréal s'est créé son propre petit marché de la création à chaque été dans la place, dans le Vieux-Port. Il y a des artisans qui viennent vendre, comme on voit à Paris, sur les quais, comme on voit à Lyon, ou dans la plupart des villes qui ont des quais avec des rivières. Évidemment, à Paris, à Lyon, ça dure toute l'année. Ici, ça dure juste l'été. D'accord. Mais en termes, par exemple, architectural, peut-être vous le savez, mais c'est plus votre domaine, il y a eu naturellement aussi certains échanges. Je parle sans parler, parce qu'en fait, je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Mon oncle est architecte. Il est architecte à Lyon. Il est venu ici pendant l'Expo 67, à l'époque où Montréal est devenue une ville internationale. Montréal est vraiment rentré sur la carte mondiale à un moment de l'Expo 67, parce qu'en fait, les architectes, certainement vous le savez, vous avez fait des études là-dedans, étaient très très très branchés, en fait, très très tournés vers l'école de Chicago, l'école américaine et tout ça. Donc quand on parlait d'Amérique du Nord, on parlait essentiellement des Américains. Et donc mon oncle est venu, il dit, oh, parce que de quoi à Montréal? On va venir là, puis donc on a découvert effectivement Montréal à ce moment-là. Et à partir de là, d'ailleurs, Montréal s'est beaucoup, beaucoup développé. C'est là que d'ailleurs Montréal a connu l'un des plus importants booms économiques, avec un certain nombre aussi de réalisations architecturales, bonnes, mauvaises, peu importe, mais ça a été l'occasion justement de développer. Donc il y a eu des échanges. Mon cousin aussi est architecte, de temps en temps il vient ici pour s'inspirer de ce qui se fait ici. L'initiative en cours, la collaboration en ce moment, je ne suis pas juste dans le domaine de la recherche, mais aussi dans votre domaine, j'imagine, au niveau international, est de plus en plus important, justement pour revamper nos villes et trouver une façon d'améliorer nos milieux de vie, préserver l'environnement. Puis le Canada et Montréal et Toronto ont beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Je pense que les villes européennes en particulier, qui sont peut-être plus avant-gardistes dans le domaine. Je parle de l'Allemagne, de la Suisse, un petit peu de la France, de l'Angleterre, de la Hollande, notamment en termes de gestion des eaux. Il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, un super beau reportage sur TV5, il y a quelques semaines de ça, mais il doit être disponible sur le web, sur la façon dont la Hollande gère son... C'est l'une des rares villes au monde, enfin la rare des pays au monde où il y a des inondations, mais il n'y a pas de morts, il n'y a pas de dommages. Ils sont en dessous du niveau de la mer. Ils ont créé, on en a parlé ce matin, des espaces de liberté, dans lesquels seulement une partie de l'année, ben, l'eau va pouvoir répandre certains territoires, les paysans vont déménager, les agriculteurs, être logés dans d'autres endroits pour ceux qui ne peuvent pas vivre sur place et permettre en fait de protéger d'autres endroits qui vont être protégés de la montée des eaux parce qu'on a décidé justement de laisser l'eau envahir certains territoires qui sont peut-être moins à risque pour les infrastructures et les populations. On parlait ce matin de la spécialiste en immunologie, elle pouvait parler de vraiment cette notion d'espace de liberté. Comment la nature... Pascal Biron? Non. Christiane Hudon. Christiane Hudon? Oui. Ah oui, Environnement Canada. Ben, elle est à la retraite. Oui. C'est une ancienne collègue que j'ai travaillé à Environnement Canada. Quel est le nom des architectes commissaires là, de l'exposition? Je ne sais pas parce que je n'ai pas de... Alors c'est le cabinet NOS, N-O-S, puis la personne qui est en charge du projet s'appelle Charles-Laurence Proulx. Proulx. Ils sont situés sur la rue de la Commune, en face, vraiment à côté des silos à grains, sur la rue de la Commune. Oui. Du coup, donc c'est une résidence croisée, tandem entre Nantes et Montréal. Nantes. Oui. Ok. Comment réhabiter le club? On pose la question de est-ce qu'on doit garder le réhabiter ou juste habiter le club? Mais du coup, c'est une résidence avec plusieurs collectifs. Il y a deux collectifs français et deux collectifs québécois. Au collectif français, il y a MIT, constitué par quatre personnes ici présentes, mais on est beaucoup plus nombreux, répartis un peu entre la France et l'Allemagne. Il y a Amanouane aussi, collectif d'archives parisiens. Il y a bien évidemment le collectif ad hoc. Donc, l'agence, qui bien représente Plan Paysage, agence de paysage. Okay. Donc, on est arrivé il y a à peu près 3 semaines et on part ce dimanche et on rencontre aussi une deuxième session de travail de résidence à Nantes du 5 au 25 novembre. Notre fil conducteur, notre fil rouge, c'est l'eau en bien commun. Donc, on est en train d'explorer Montréal pour qu'on puisse mieux l'appréhender, mieux comprendre le cours du Saint-Laurent et puis essayer d'aborder ce sujet par différents spectres, notamment juridiques. Et puis, je pense que les changements climatiques sont associables à la restriction qu'on doit mener. Je vais vous poser une question avant peut-être de commenter. Est-ce que, donc essentiellement, vous êtes tous des architectes, il y a des paysagistes, il y a des designers urbains ou... Il y a un peu tout. Il y a des architectes, on est beaucoup d'architectes, on va dire, de formation, mais après, il y a pas que. Okay. Je ne suis pas du tout archi, je suis dans le financement. Okay. Et... Le plan paysage, ok. Et même dans notre collectif mythe, il y a paysagistes, certains qui sont urbanistes, charpentiers, maîtrises d'œuvre, artistes. Vous n'avez pas d'ingénieur ? On n'a pas d'ingénieur. Vous n'avez pas de biologiste ? Non. Pas au sein de notre structure. Vous n'avez donc pas de domaine, j'irais de l'environnement non plus. Question parce que ça peut teinter aussi une partie de nos échanges. Oui. C'est pour ça que ça nous intéresse aussi d'avoir étudié dans cette domaine-là, parce que nous, on est maîtrisés très vite. Mais c'est peut-être pas une bonne ou une mauvaise chose que vous ayez ou pas les ingénieurs, c'est que je vais vous donner tout de suite mon point de vue. Est-ce qu'il y a des Québécois ici ? Oui. Mais je vais te dire tu me corrigeras si je me trompe, parce que j'ai une expérience avec des ingénieurs qui sont un petit peu différentes des ingénieurs français ou européens, mais ils ont une certaine similarité. Les ingénieurs, pendant longtemps, je pense surtout les gens que je connais, moi qui travaille à la ville de Montréal, et la plupart des cabinets d'ingénieurs ont toujours travaillé dans un contexte de stabilité. Pour eux, c'était, on va dire, quand ils faisaient du design, ce qu'on appelle le design storm, dimensionner les ouvrages, par exemple les conduites d'évacuation des eaux ruissellement, les égouts, etc., tout ce qui concerne l'aménagement technique urbain, souvent considéré évidemment le système comme étant stable. Le climat ne change pas. Le passé est le garant de l'avenir. Donc on a aussi mis en place des infrastructures qui, de toute façon, sont vieillissantes, qu'il faut revoir, dans un contexte où en plus les choses changent. C'est très difficile pour un ingénieur, ça. Ils ont horreur d'incertitude. Ils ne fonctionnent pas, leur façon de penser. Je le sais parce que j'ai été donné un cours, une présentation. À l'école polytechnique de Montréal, qui forme une partie des ingénieurs, évidemment, ça peut être polytechnique, mais il y en a d'autres, écoles d'ingénieurs, il y a HEC, pas HEC, mais il y a évidemment à Laval et tout ça. Quand je leur ai parlé du changement climatique, puis je leur ai expliqué que le régime de précipitation est en train de changer, puis qu'il faut revoir, par exemple, ce qu'on appelle les courbes IDF, que peut-être vous ne connaissez pas en termes d'architecte, ce qu'on appelle les courbes d'intensité durée fréquence. On utilise pour savoir quand il pleut, combien il pleut, puis combien de temps ça dure. On doit absolument en tenir compte dans le design des infrastructures, dans les quantifier le ruissellement et savoir quelle quantité d'eau ou volume d'eau va arriver aux égouts. Et souvent, en fait, on a isolé la façon dont vous travaillez avec les ingénieurs dans une conception très, très parcimonieuse, très parcellaire, très en silo. Je vais dire ça comme ça. De ce qu'on appelle aménagement urbain. En réalité, on ne peut pas concevoir aujourd'hui des jardins communautaires, des évacuations des eaux, des trottoirs, etc., des toits, etc., des architectures au complet, sans penser à ce qui se passe en ce qui concerne la quantité d'eau qui tombe, la température qui fait, où l'eau va, où elle se rend et comment on l'évacue, etc. Donc tout ça pour dire que la partie ingénierie, qui a souvent été venue par très technique, dans un contexte où il faisait tout pour ne pas parler d'incertitude, dans un contexte qui est assez stable, on utilisait ce qu'on a appris à l'école pour l'appliquer dans notre domaine, puis c'est comme ça qu'on voit. C'est entre autres pour ça qu'il faut absolument changer ces choses-là, parce qu'on ne peut plus concevoir les villes dans un contexte, évidemment, où l'environnement change, le climat change, la population change, l'exposition est en train de changer, la vulnérabilité change. Tous ces contextes-là qui sont absolument fondamentaux quand on fait du réaménagement, quel qu'il soit. Je vais vous donner un exemple concret. Je travaille sur les risques, j'imagine que vous l'avez vu peut-être sur mon site web. Un risque de catastrophe, il provient de la combinaison de trois facteurs. La partie météo, l'aléa, la précipitation qui tombe. Mais le fait qu'on génère une catastrophe avec des coûts humains et des coûts économiques, c'est parce qu'il y a des vulnérabilités. Ces vulnérabilités-là, elles sont engendrées par le système qu'on a développé, par exemple. Les aménagements qu'on a faits. Est-ce qu'on a une vulnérabilité qui est très forte, des fortes précipitations ou moins fortes dans certains cas? Et aussi, on a un troisième facteur que souvent on néglige, et c'est pour ça que je me permets de vous faire cette introduction-là, l'exposition. Puis l'exposition, elle provient évidemment de la démographie, le fait qu'on s'aménage de plus en plus selon les cours d'eau. On adore voir l'eau. Alors Montréal, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais beaucoup de gens s'installent au bord de l'eau. 80% de la population québécoise vit à proximité d'un lac ou d'une rivière. C'est vrai pour la plupart des grands pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Donc l'eau a d'abord été un voie de communication importante. 80% Montréal ou Québec ? Au Québec au complet. Je dirais, quand je parle de la population, mais c'est vrai aussi, peut-être c'est même un peu plus important que ça, mais 80% des municipalités au Québec sont directement et indirectement concernés par les inondations. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont à proximité d'un endroit qui va finir par déborder. Et l'essentiel, de toute façon, de la population québécoise vit dans la vallée du Saint-Laurent, ou le long des cours d'eau, et pour l'essentiel, évidemment, Montréal, Québec, et entre Montréal, Québec, je dirais jusqu'à Rimouski. Bon, donc, je vous fais ce portrait-là parce que la démarche de réingénierie, je dirais, des villes, on en parle aussi beaucoup parce que je suis président du comité scientifique de l'Institut des sciences de l'environnement dans lequel il y a des géographes comme moi, ou des météorologues comme moi, il y a des aménagistes, des gens des sciences de la gestion, et des gens qui font du design urbain, des sociologues, des psychologues, donc tout le spectre vraiment des gens qui travaillent dans le domaine des sciences de l'environnement. Puis, j'ai notamment un collègue aussi qui travaille sur la transition vers la durabilité. Ou la transition écologique, on va appeler ça comme ça. Et ils travaillent justement avec des architectes comme vous, ou des aménagistes, ou des paysagistes, très peu avec des ingénieurs, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à ça. Pour justement revoir une partie des infrastructures à Montréal, redonner, on va dire, un peu de verdure à certains endroits où on a beaucoup, beaucoup asphalté, réduire, par exemple, l'effet d'une sur-asphaltage et qui peut engendrer des îlots de chaleur urbains, provoquer des phénomènes de ruissellement très intenses qui font finir par déborder les égouts, faire en sorte aussi qu'une bonne partie des eaux, au lieu de se retrouver dans les centrales d'épuration, vont se retrouver quand il y a une forte précipitation avec le reste des égouts dans le fleuve. Faut savoir que l'essentiel de ce qu'on appelle les surverses ici à Montréal, encore une fois, parce que je ne veux pas blâmer trop les ingénieurs, mais parce qu'on a fait un système dans lequel peut-être aussi on n'avait pas pensé que trop d'eau qui arrive trop rapidement d'un seul coup, ça finit par déborder quelque part. Donc on a à peu près des événements de surverse, donc des débordements, des égouts d'eau pluviale qui aussi emmènent des eaux qui sont contaminées de toute façon directement au fleuve. Et c'est un enjeu pour la ville de Montréal, c'est un enjeu pour beaucoup de villes d'ailleurs au Québec. Québec, d'ailleurs, a plus de débordements qu'à Montréal, où on a revu une partie des infrastructures. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a une bonne partie, en fait, des choses. Alors, ça affecte le réaménagement urbain, tout ça, parce que, vous le savez, peut-être vous pouvez me corriger si je me trompe, mais certains pays ont commencé à mieux penser la façon même de gérer l'eau. Vous parlez tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais vous entendre sur l'introduction, sur la qualité, tout ça, enfin l'environnement, l'eau, c'est une source de vie, hein. Mais c'est non seulement ça, il y a des endroits où dans le monde il pleut encore plus qu'à Montréal, et pourtant ils ont rarement des débordements d'égouts. Si vous allez à Singapour, par exemple, dans une ville où il y a des quantités de précipitations qui sont 3, 4, 5 fois plus importantes qu'ici en total annuel qu'à Montréal, c'est rare qu'il y ait des inondations, des débordements d'égouts, simplement parce que tout est fait, la végétation est là pour absorber une partie de l'eau, ralentir le processus de ruissellement, garder une partie de cette eau-là qui pourra ensuite ralentir justement le phénomène d'écoulement, capter une partie des eaux, oui, sur les surfaces asphaltées, mais les mettre dans les bassins de rétention, utiliser cette eau-là justement pour la réutiliser pour l'arrosage public ou un peu décontaminer pour ensuite en faire des zones de, justement de rétention de l'eau pour la végétation, etc., etc. En plus, Singapour, à la différence des autres grandes mégalopoles, eux, ils sont construits sur une île, en fait, au bout du... Ils n'ont pas d'eau. L'essentiel de l'eau, d'ailleurs, de Singapour, vient de l'autre côté d'un pipeline qu'ils ont fait avec le pays à côté, dont je vais oublier le nom, peu importe. L'essentiel de l'eau, en fait, il vient de l'extérieur. Donc, ils ont d'ailleurs fait des réaménagements qui sont magnifiques sur les jardins publics, réutiliser l'eau de pluie pour justement les réutiliser, faire du développement écologique avec des plantes qui vont absorber une partie en fait des contaminants, etc., etc. Donc, il y a l'exemple dans le monde qui existe dans les grandes villes qui permettent justement de mieux gérer cette eau-là. Parce qu'une des difficultés qu'on a ici au Québec, c'est relié au fait que pendant trop longtemps, on a considéré le fleuve comme un dépotoir, parce qu'il est gigantesque, parce que ça mène à la mer, parce qu'il n'y a personne, une fois arrivé à Terre-Neuve, qui s'occupe de ce qui se passe du fleuve dans l'océan Atlantique. J'exagère à peine quand je dis ça. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits ces dernières trois décennies pour réduire la contamination du fleuve, mais il y a encore beaucoup à faire. Une partie des effluents du fleuve, notamment des produits pharmacologiques, pharmaceutiques, qui se retrouvent dans le fleuve sans être traités. Vous savez aussi, alors peut-être par rapport à Nantes, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, parce que je connais Nantes, ma soeur est là-bas, mais vraiment la grosse différence, d'abord, un, le volume du fleuve, le Saint-Laurent, là, c'est le troisième fleuve en importance ici en Amérique du Nord, après le Mississippi, Yukon et Mackenzie, est un peu plus en termes de débit, le Saint-Laurent est très important. C'est aussi la voie navigable par excellence de l'Amérique du Nord. Ça joue un rôle, évidemment, non seulement sur l'arrivée des colons ici, mais ça joue un rôle économique fondamental. Sans le fleuve, l'économie québécoise disparaîtrait pour l'essentiel. Et puis aussi, c'est un des régions du monde, c'est peut-être même la région du monde, le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire et le golfe, avec l'une des plus belles biodiversités qui existent, parmi les fleuves d'eau douce, donc parmi les fleuves dans le monde. Cette biodiversité-là, peut-être Christiane vous en a parlé un petit peu, parce que c'est sur son domaine, elle travaille beaucoup sur les écosystèmes aquatiques, en particulier sur le fleuve. Ça va mieux, mais on a quand même une perte régulière de biodiversité dans le fleuve, qui commence à devenir un petit peu problématique pour certaines espèces. Le béluga, qui malheureusement sa population stagne, voire même diminue. On a le beluga en plus, c'est le seul qui vit aussi au sud en permanence, donc il ne migre pas. Et il est évidemment énormément dépendant de la qualité des eaux ici dans le fleuve. Et on a découvert des choses assez atroces sur la toxicité de beluga, l'absence d'organes reproducteurs chez certains mammifères, donc marins, y compris beluga, qui fait qu'ils ne se reproduisent pas. Ce serait lié à toutes sortes de facteurs, y compris des facteurs, comme je disais, d'origine pharmacologique. On a retrouvé la présence d'œstrogènes et aussi de pilules féminines qui bloqueraient justement la présence de, non seulement des hormones, mais aussi la présence de possibilités d'avoir des organes reproducteurs, des problèmes de contamination aiguë chez les bébés. Bon, alors là, je voudrais c'est un portrait un peu noir. Ben, alors, il y a des choses qui vont un peu mieux dans certaines espèces, mais le fleuve est un réservoir de biodiversité naturelle, comme je disais, unique au monde. C'est le seul endroit où on a une concentration aussi importante de baleines, de toutes sortes de mammifères, évidemment, notamment dans la région de Tadoussac. Tout là, ce qu'on appelle le parc marin entre les Escoumins et Tadoussac. Et ça, c'est pour des raisons, je dirais, océanographiques, bathymétriques et climatologiques, météorologiques. Le fleuve, il y a un brassage des eaux extraordinaire qui permet justement cette biodiversité-là, parce que ce qui est particulier dans le fleuve, c'est qu'on a un chenal laurentien qui fait 400 mètres de profond. C'est rare d'avoir un fleuve, un golfe avec 400 mètres de profond. avec une rentrée des eaux de l'Atlantique qui rentre dans l'étroit de Cabot, donc dans ce chenal laurentien, qui va amener une partie des eaux riches d'ailleurs en matière organique qui viennent de l'Atlantique, qui rentrent dans le Golfe, et une partie des eaux du Labrador qui rentrent dans l'étroit de Belle-Île, entre Terre-Neuve et le bout du Labrador, qui sont des eaux très froides qui nous viennent évidemment du Nord, mais qui sont très riches en matière organique, en particulier en oxygène dissous. Et cette eau-là qui vient au fond, cette eau froide qui vient du Labrador, il y a une couche intermédiaire qu'on appelle froide, puis une couche profonde qui est très salée, qui vient de l'Atlantique. Puis une partie de ces eaux-là se retrouve au large de Tadoussac, à côté de Tadoussac, dans un endroit où il y a un seuil. Donc progressivement, le fond passe de 400 mètres de profondeur à 200 et quelques mètres, puis à Tadoussac, d'un seul coup, on a 50 mètres de profondeur. Donc on a phénomène, c'est ce qu'on appelle de résurgence, de poêling, de remontée des eaux froides, qui favorise justement la prolifération des matières organiques, phytoplancton, zooplancton, les crevettes en abondance, le krill et tout ça, donc qui viennent en fait, c'est le garde-manger des baleines qui viennent évidemment se nourrir pendant une bonne partie de la période estivale. Elles mettent bas dans la mer des Sargasses ou dans le golfe du Mexique, mais elles viennent après ça passer l'été pour se nourrir avec leur progéniture ici en été. Et comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où des golfs ou des endroits comme ça, estuariens ou golfs, témoignent de la présence de mammifères. Donc une biodiversité exceptionnelle, on a certainement, malheureusement, ça aussi un peu disparu, parce qu'il y a un moratoire à l'heure actuelle sur la morue, mais du sébasse, des poissons de très bonne chair, qui sont des poissons qu'on retrouve aussi dans le golfe du Saint-Laurent, le long des grandes bandes Terre-Neuve aussi, et qui témoignent aussi de la biodiversité très riche. On peut avoir aussi toutes sortes de... quelques requins, il y a surtout du requin-baleine, parfois. Et aussi... dernière chose, alors je prends beaucoup la parole, puis je vais surtout vous laisser la parole, parce que je suis en train de dériver de mon changement climatique. Mais la vallée du Saint-Laurent, l'est de l'Amérique du Nord, mais la vallée du Saint-Laurent, c'est le couloir de migration, le plus important couloir de migration des oiseaux migrateurs du globe. Et les oiseaux qui viennent de l'Antarctique, qui remontent le long de évidemment l'Amérique du Nord, mais du Sud, l'Amérique du Nord. Et évidemment, des oiseaux aussi qui passent une partie de l'été ici en Amérique du Nord, enfin dans Floride et tout ça, et qui remontent le long de ce corridor. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, ils vont utiliser non seulement les courants aériens, mais aussi le fait que quand on leur remonte, ils vont trouver de la nourriture. Et le fleuve Saint-Laurent est vraiment, et Christian peut-être vous en a parlé ou pas, mais les oies qu'on a, toutes sortes d'oiseaux migrateurs qui passent par le fleuve se nourrissent en abondance tout au long de leur parcours. Exemple concret sur les oiseaux migrateurs, quand on voit leur ville, parce que je me posais la question d'où elles venaient, où elles allaient, qu'est-ce qu'elles faisaient là ? Elles montent dans le nord pour se reproduire, elles mettent bas dans le nord, puis elles redescendent dans le sud. Puis ces dernières années, on a des oies qui ont décidé de passer une partie de l'hiver dans nos régions, d'accord, en petits groupes, ou s'arrêter un peu. Enfin, descendre moins au sud que d'habitude, parce que les hivers sont moins froids. Alors, généralement, ce n'est pas des oies jeunes, parce qu'elles ne peuvent pas résister à des températures aussi froides, mais moi, je le sais, parce que dans la vallée du Richelieu, là où j'habite, il y a une partie des oiseaux migrateurs qui passent aussi là, parce que c'est une vallée en plus nord-sud. Certaines espèces passent, c'est vrai, une partie de maintenant de l'hiver, alors qu'avant, il y a quelques années, quelques décennies, on ne les voyait pas. Mais... ouais, mais on a aussi, faut dire aussi que les configurations ici sur l'est de l'Amérique du Nord, le Québec étant aussi très riche en masse d'eau, on s'entend qu'au Québec, jusqu'au Québec, on a plus d'un million de lacs. C'est la plus grande réserve d'eau potable au monde par habitant, le Québec, en termes de surface d'eau disponible, de surface d'eau douce. Et ça favorise évidemment la présence des oiseaux qui dépendent en partie des ressources aquatiques, des ressources halieutiques. Et aussi le fait que dans tout l'est de l'Amérique du Nord, bah après ça vous allez retrouver la mer du Labrador, la baie d'Hudson, qui va aussi servir la terre de Baffin, qui est une île, et puis l'île Ellesmere, très très au nord, qui est l'île la plus au nord, après au nord du Groenland, où là les oiseaux migrateurs vont monter très très au nord pour aller se nourrir et mettre bas, comme je disais, et passer une partie de l'été. Donc l'eau ici, encore plus, peut-être la Loire est un exemple, mais Un petit peu. Et surtout la vallée du Rhône, à cause de son orientation nord-sud. Mais faut pas oublier que l'eau, oui, c'est une source de vie, mais c'est aussi une source, évidemment, de nourriture, évidemment, pour une bonne partie des espèces, y compris nous-mêmes, mais surtout des oiseaux et des mammifères. Et le Saint-Laurent est exceptionnel, comme je disais, à ce niveau-là. Je regardais un peu le projet FAS, c'est le projet en cours actuel. Celui-là est terminé. J'en ai un autre qui va commencer. Okay. Alors le projet FAS, est-ce que c'est le même dont on parlait, collaboration France, Québec, Maroc, Niger ? Et du coup, c'était faire face au changement climatique oui. Ensemble. Alors ça, c'est un projet qu'on a eu, qui s'est terminé donc en 2016-2017, qui visait en fait à développer une collaboration avec, avec le Niger, le Maroc. Et là, oui, les ressources en eau étaient, évidemment, parce que quand on parle des pays sahéliens, ils ont un problème d'eau. Et donc... on a travaillé avec notamment le centre régional Agrimet, qui est agriculture, hydrologie, météorologie à Niamey au Niger, donc qui regroupe des agronomes, des hydrologues et des météorologues, et voir comment dans la production par exemple du mil et du sorgho, qui sont les deux évidemment denrées céréales qui produisent beaucoup au Sahel, qui sont adaptées naturellement à un manque d'eau une partie de l'année. Comment optimiser l'utilisation de l'eau pour faire en sorte que le sorgho et le mil produisent mieux. C'est vraiment un problème fondamental. Ils ont un problème de sécurité alimentaire, évidemment, là-bas. Donc, nous, dans notre cas, on a surtout travaillé sur mieux comprendre la variabilité intra-saisonnière de la mousson. Comment la mousson, quand elle commence, quand elle finit, c'est pas juste un problème de quand elle commence, quand elle finit. C'est quoi la distribution des séquences de précipitations qui vont faire qu'on va avoir une saison bonne ou pas en termes de rendement. Parce que s'il pleut la même quantité, mais si c'est quelques orages isolés extrêmement intenses, c'est pas la même chose que si tu as une bonne distribution évidemment des événements et les petites quantités qui amènent régulièrement de l'eau, sans être obligé d'ailleurs de créer des inondations, parce que ça c'est aussi un problème au Sahel. C'est un problème d'excès et de pénurie. Soit il n'y en a pas assez, puis c'est des sécheresses, soit il y en a trop, puis c'est des inondations, puis ça tue du monde. Donc ce problème de distribution vraiment spatiale et temporelle est important pour eux. Donc c'est de voir dans les modèles qu'on avait, y compris dans les observations, comment qualifier la mousson, qu'après ça ils puissent utiliser justement pour mieux utiliser la caractéristique, la qualité de la mousson pour dire bon ok, là on va essayer. Je vous donne un exemple concret. Ils ont fait plusieurs tests en coupant les plantes très tôt, les feuilles. Ils se rendent compte qu'en fait en coupant les feuilles très tôt pour le plant qui est en train de pousser, ça va, la plante va elle-même, elle va réduire son évapotranspiration, moins de surface foliaire, et elle va elle-même s'adapter à des conditions plus sèches. Et en bout de ligne, elle va finir par produire plus de grains que si on lui avait laissé pousser les feuilles. Donc c'est des exemples comme ça. Ça peut être aussi taillé certaines au début de la phase de comment on appelle ça, je ne me rappelle plus le nom, à un certain stade de croississement de la plante, justement, c'est important de le faire à tel stade versus pas à un autre. Parce qu'il y a quand même besoin de photosynthèse pour justement produire, monter de la tige, puis faire des graines. Donc il faut savoir quand le faire, comment le faire, pour être capable d'optimiser justement la pousse de la graine, tout ça. Une fois qu'ils ont appris ça en serre, ils ont essayé après ça de le mettre en culture, transférer cette connaissance-là auprès des paysans. Puis nous, on leur apportait la partie, je dirais, connaissance, la météorologie du régime de précipitation. Je vais revenir, quitter les rivages de l'Afrique et revenir sur les rivages de l'Amérique. Comme vous expliquez, nous avons fait venir plusieurs spécialistes et je crois que la question qui nous intéresse, c'est d'essayer de... Nous, on essaye de faire l'exercice de se projeter dans le futur, dans des futurs ou utopiques ou dystopiques, pour essayer d'imaginer effectivement quelles solutions on peut apporter plus concrètement aujourd'hui. Et donc, à la fois on travaille sur une vision d'essayer de construire avec des chercheurs qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller vers vraiment un monde désirable demain où toutes les espèces et les écosystèmes sont respectés. On arrive à sortir d'une vision anthropocentrée du monde mais dans une vision vraiment durable, et à côté aussi l'aspect effectivement dystopique de dire finalement il y a de plus en plus d'accaparement des ressources et c'est là où on interroge le fleuve en tant que ressource aussi. Et par rapport à vous, votre spécialité sur les risques climatiques, on a commencé par évoquer effectivement comment les villes aujourd'hui doivent faire face aux aléas climatiques qui vont finalement être de plus en plus changeants aussi, peut-être de plus en plus importants, mais peut-être plus changeants, parce que ce qui est en train de se produire là, peut-être dans 50 ans, ce sera encore différent. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Mais aussi de voir comment le milieu du fleuve est peut-être affecté par ça, comment vous aussi, finalement, comment on fait le lien entre notre utilisation peut-être du fleuve actuel et les risques climatiques qui nous arrivent dessus. Alors, je vais partir d'un contexte plus général pour répondre vraiment de façon pointue sur votre question. C'est un sujet qui m'intéresse, je suis en plein dedans. Je vous expliquerai d'ailleurs à la fin ce qu'on planifie de faire. Bon, déjà, on se cachera pas. Là, hier, j'avais d'ailleurs une réunion avec un conseil municipal. Je leur dis tout, c'est mon message. Le GIEC a dit la même chose. On est à un point de point de rupture, ce qu'on appelle un point de basculement, un tipping point. Notre système climatique est en train de basculer dans un nouvel état. Il est minuit moins une. On l'a déjà entamé de toute façon la dernière minute. On a seulement 5% des chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le GIEC nous a dit la semaine dernière ou il y a 15 jours qu'avec juste 1,5 degré, voilà les conséquences, voilà les risques. Je vais revenir vraiment concrètement sur les risques ici. 5% de chance d'arriver à rencontrer les objectifs de Paris. Plus on attend, plus ce 5% de chance-là diminue. Les gros joueurs qui permettraient d'optimiser le fait que ce 5% de chance se produise, la Chine, les États-Unis, le Canada, un peu. Les gros producteurs de pétrole, l'Inde, les pays qui produisent du pétrole, ne sont pas ceux qui font les plus gros efforts en 100 ans pour l'instant. Peut-être la Chine en fait beaucoup, mais le problème c'est que la Chine, comme vous le savez, a une démographie énorme. C'est loin d'être réglé, puis l'Inde, ça ne vaut la peine y penser. Mais comme je dis toujours aussi à mes collègues, le Canada est un petit joueur là-dedans, mais si on fait partie du problème, on devrait faire partie de la solution. Le Canada ne s'est pas engagé à faire partie de la solution, malgré les discours politiques. Bon. Donc, le 1,5, on va l'atteindre, on va le dépasser. Puis peut-être beaucoup plus tôt que ce qui avait été prévu. Pour le Canada, pour le Québec. Je vais revenir un tout petit peu dans l'histoire, et puis vous expliquer dans le futur qu'est-ce qui nous attend. Juste prendre un exemple. Qu'est-ce qui s'est produit au cours des 50 ou 60 dernières années? On voit une accélération du réchauffement reliée au fait qu'on produit, on émet de plus en plus de gaz à effet de serre à cause de la révolution industrielle, croissance économique qui s'est accrue au cours des 50 dernières années. Depuis 1980, le globe réchauffement a atteint 1 degré. Température moyenne annuelle sur l'ensemble du globe. Un peu plus d'ailleurs cette année parce que 2018 est une année exceptionnellement chaude. On l'a vu à travers les canicules qu'on a eues cet été. Bon. On attend la fin d'année pour savoir si la tendance se maintient. Au cours des 50 dernières années, on a connu à peu près le réchauffement le plus important, c'est les 50 dernières années. Juste les 50 dernières années, c'est 0,7 ou 0,8 degrés de ce 1 et quelques. Juste dans l'espace de 50 ans, il est responsable de plus des 3/4 du réchauffement qu'on a observé sur plus d'un siècle. Au Canada, sur l'ensemble du Canada, c'est 2 fois le taux de réchauffement qu'on a observé sur l'ensemble du globe. Donc à peu près sur l'ensemble du Canada, c'est de l'ordre de, je parle de 0,7 sur les 50-60 dernières années, Canada c'est à peu près 1,6. Au nord du 60e degré nord, au Canada, c'est 3 fois le taux de réchauffement qu'on observe sur l'ensemble du globe. Au Québec, en hiver, on est 3 fois la tendance mondiale. Québec, Montréal, sud du Québec. Dans le nord, certains mois, c'est même pire. On parle de taux de réchauffement dans le Nord, par exemple. Je donne un exemple. 2 degrés par décennie au cours des 3 dernières décennies. Ça veut dire 6 degrés en l'espace de 30 ans. 6 degrés de réchauffement. C'est énorme. Pour certains mois. Je ne parle pas à l'échelle annuelle. Donc, il y a certains mois qui changent de façon majeure. Pour le fleuve Saint-Laurent, pour Montréal, c'est majeur. Pourquoi? Parce que la différence de Bordeaux et de Nantes, nous, on a un cycle hydrologique qui est particulier ici au Québec. 6 mois de l'année, on a de la neige, de la glace. et du sol qui est gelé. Donc on a ce qu'on appelle un cycle hydrologique qui est marqué par la composante cryosphérique, la composante gelée de l'eau, ce qui n'est pas le cas en Europe, à part dans les montagnes. Or, avec des taux de réchauffement dont je viens de vous parler, et ça c'est juste le passé récent, on est en train de bouleverser une bonne partie en fait de cette saisonnalité dans laquelle on a la partie gelée de l'eau. Non seulement elle se raccourcit, mais même parfois des fois elle s'allonge, comme ça peut arriver certaines années, mais à l'intérieur d'une saison, tu peux avoir des fluctuations avec du moins 30, comme on l'a vu cet hiver. D'un seul coup, au mois de janvier, on bat un record, il fait 12 degrés à Montréal. Tout se met à dégeler, il y a eu des inondations d'ailleurs à la rivière Saint-Charles, à Québec, avec des glaces en plus qui s'étaient formées sur certaines rivières, parce qu'il a fait particulièrement froid pour ceux qui étaient là. Bon. Donc tout ça fait en sorte, déjà, dans le passé récent, d'influencer énormément le cycle hydrologique et de bouleverser une partie de nos écosystèmes, y compris aussi d'avoir finalement en bout de ligne aussi une réponse des écoulements de surface, en particulier les cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent, qui sont en train de se bouleverser. On passe par des étés particulièrement secs. 2010, on a battu l'un des records historiques en termes de bas niveau du fleuve Saint-Laurent. Le fleuve, on s'entend, là, c'est pas le Rhône, hein. C'est un gros volume. 10 000 m3 à la sortie du barrage de Beauharnois, quand il arrive à Sorel, c'est autour de 17 000 m3, puis quand il est rendu dans l'estuaire, c'est pas loin de 18 000 en période de crue. Donc c'est mètres cubes par seconde. Ouais, c'est débile. C'est, le Rhône, c'est quoi, c'est 800 quand ça va pas. Mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. La Loire, c'est... Dans le futur, qu'est-ce qui va se produire dans le futur? Alors ce fameux 1,5 degré, on va le dépasser. Puis on va le dépasser plus vite que prévu. Alors, pour nous c'est majeur, parce que si on connaît par exemple un réchauffement, ce que je présentais d'ailleurs hier, on a deux scénarios sur lesquels on travaille. On a oublié le scénario optimiste dans lequel on va rencontrer sur 1,5 parce qu'il est de moins en moins réaliste. Ce scénario-là, on l'appelle dans l'IPCC, dans notre langage à nous, le RCP 2.6 pour 2,6 watts par mètre carré de forçage radiatif en plus par rapport à la période pré-industrielle. C'est pas le cas, ça se produira pas parce qu'on ne s'est pas engagé à respecter l'accord de Paris, puis on n'est pas en train de réduire nos émissions, on les stabilisait légèrement, puis même l'année dernière, vous rappelez, ça a été sorti dans les médias, ça augmente légèrement. À l'heure actuelle, on est en train de se rapprocher du scénario qu'on appelle le scénario intermédiaire 4.5. Puis si jamais on fait rien du tout, on va atteindre le scénario RCP 8.5. 8.5 watts par mètre carré de plus que la période pré-industrielle. Vous allez me dire, c'est rien du tout. Je crois qu'on ne sait pas de quoi vous parlez là. Alors, le radiatif, moi je ne sais pas. Plus on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus l'atmosphère va garder une partie du rayonnement terrestre au lieu de le réémettre vers l'espace. Et ça, en watts par mètre carré, c'est ce qu'on quantifie par rapport à l'état naturel avant la période industrielle pour dire, ben, à chaque fois qu'on émet tant de gaz à effet de serre, ça rajoute une composante de 8,5 watts par mètre carré qu'on garde dans l'atmosphère comme énergie qui ensuite réchauffe l'atmosphère, réchauffe la surface, etc. Donc, ça, c'est vraiment la composante radiative qui est liée à la présence supplémentaire des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Merci de me demander là. Alors, on se rapproche de ces deux scénarios-là, le intermédiaire, puis le pessimiste, c'est 8.5. Mais de ces deux scénarios intermédiaires et pessimistes, le Canada va subir un réchauffement de l'ordre de... Sur l'ensemble du globe, le 4.5, ça veut dire qu'on va dépasser le 2 degrés à la fin du 21e siècle. Intermédiaire, pour le scénario pessimiste, on parle de 3.5, voire 4 degrés température moyenne annuelle sur l'ensemble du globe. Au Québec, 4.5, pour la fin du siècle, pour nous, ça va signifier non pas un réchauffement de 2 degrés, mais un réchauffement de l'ordre de 3.5, 4 degrés. En hiver, ça va être un réchauffement dans certains secteurs, notamment dans le nord, de 6 à 8 degrés. Si on va vers le scénario 8.5, qui est lui le pessimiste, alors là, on parle de réchauffement dans le nord de plus de 10 degrés, et puis en hiver, dans le sud, ça peut être des réchauffements de 4 à 5 degrés, par rapport à la période historique. Oui. On parle de moyenne annuelle ? Non, ça c'est juste l'hiver. En moyenne annuelle, en 3 degrés de température sur l'ensemble du globe de réchauffement pour le pessimiste, ça veut dire à peu près 5-6 degrés pour l'ensemble du Canada en moyenne annuelle. Mais les hivers, la saisonnalité des réchauffements est différente d'une saison à l'autre. C'est l'hiver qui se réchauffe le plus, c'est le printemps, et moins l'été. En Europe, c'est légèrement différent. Les étés peuvent se réchauffer un peu plus, par exemple, que les hivers. Ça dépend, encore une fois, dans certains endroits, de la présence ou pas de neige. Mais ici, tu changes la neige, tu changes ce qu'on appelle l'albédo, la portion du rayonnement qui réfléchit. Au lieu d'être blanc, c'est noir, ça absorbe, ça réchauffe encore plus, etc., etc. Donc, ce sont les feedbacks qui accélèrent le processus de réchauffement en hiver, là où normalement on est censé avoir de la neige. C'est vrai sur beaucoup de continents. Là où les réchauffements vont les plus forts par rapport à la moyenne globale, c'est le Canada, c'est la Sibérie, des continents, on va dire, la portion nordique du continent eurasiatique, partie de la Scandinavie, et les régions arctiques. Sauf que nous, on est le continent qui montons le plus au nord dans le bassin arctique. On monte plus au nord que la Russie. Même si la Russie monte au nord parce qu'ils ont des sous-marins. Nous, parce qu'on a des terres. L'île Ellesmere, qui fait partie des archipels canadiennes, monte très au nord dans le bassin arctique, près de 82 degrés de latitude nord. Bon. L'hémisphère sud et Alors l'hémisphère sud se réchauffera, mais de façon moins intense. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bassin arctique est un océan, l'Antarctique est un continent. L'Antarctique est couvert de glace. La calotte antarctique va fondre. On s'entend qu'on ne verra pas historiquement, ni vous ni moi, la disparition complète de la calotte antarctique. Ça va prendre plusieurs centaines d'années. Ceci dit, c'est majeur. Hein. Si la calotte de l'Antarctique se met vraiment à fondre de façon accélérée, comme elle est en train de le faire au Groenland, ça peut engendrer une augmentation encore plus rapide du niveau de la mer. Je reviens à ça. Dans l'Arctique, c'est un océan. Quand tu fonds de la glace de mer, après ça, tu réchauffes quoi ? L'océan, qui lui va capturer la chaleur emmagasinée pendant l'été pour la restituer à l'automne, pour ralentir la formation de la glace et réchauffer encore plus en automne et en hiver. Fait qu'il y a un processus de ce qu'on appelle l'amplification dans le nord, qu'on voit dans le bassin arctique, qu'on ne voit pas dans l'Antarctique. Et ça touche le Canada. Ça touche les masses continentales qui sont très au nord, comme le Canada. Et en plus, par rapport à la Sibérie, nous, on a la baie d'Hudson. Qui est une mer intérieure qui descend très au sud et le golfe du Saint-Laurent. Et ça revient d'ailleurs, je vais vraiment finir de répondre à la question à propos du la vallée du Saint-Laurent. J'excuse d'être très, mais la baie d'Hudson va réduire évidemment la saisonnalité de l'englacement dans le futur avec les taux de réchauffement dont je vous parlais tout à l'heure, parce que le réchauffement dans le nord, ça touche la baie d'Hudson. Le golfe du Saint-Laurent, on voit légèrement la glace d'année en année qui diminue, la glace de mer. Cette glace de mer, elle a un rôle très important à jouer, notamment pour la biodiversité. Certaines espèces, notamment dans le nord, mais c'est vrai pour le golfe du Saint-Laurent, dépendent de la présence de cette glace, en particulier les phoques, mais aussi d'autres espèces qui dépendent de la présence ou pas du phoque. Il y en a qui vont dire, oh, mais il y a déjà trop de phoques, il y a moins de phoques. Voilà, mais bon. Dans la baie du Son, c'est un problème pour les ours polaires, par exemple, parce qu'on a la plus grande concentration, d'ailleurs, très au sud, d'ours polaires au monde. Donc tout ça pour dire que la configuration géographique du Canada, avec la présence de mers intérieures très importantes comme la baie d'Hudson, le golfe du Saint-Laurent qui est très important, c'est l'une des régions du monde aussi où on a la présence de glace marine la plus au sud. Le seul endroit où on a la glace marine la plus au sud en dehors du golfe, c'est la mer d'Okhotsk, côté est de la Sibérie. Donc ça nous affecte déjà, ça va nous affecter encore plus dans le futur parce que le réchauffement va être plus important ici au Canada que dans la plupart des régions tempérées, je dirais, du globe, de l'hémisphère nord. Alors pour le fleuve, pour la vallée du Saint-Laurent, ça va être majeur parce que toute la modification du cycle hydrologique, fonte de neige, gel du sol, présence de neige, etc., sont les composantes qui vont faire varier l'apport en eau au fleuve. Il faut savoir ici qu'au Québec, 20%, entre 20 et 30%, ça dépend des années, de la recharge des nappes phréatiques, ça vient de la fonte de la neige. Donc le manteau neigeux qui garde une partie de l'eau pour une partie de l'année, puisqu'il n'est pas disponible pour être infiltré par exemple dans le sol, ça va être une fois qu'il va fondre, permettre de recharger les nappes phréatiques, puis évidemment d'alimenter les rivières. Alors ici, on a un régime hydrologique qui est particulier. Le fleuve Saint-Laurent est un exemple de ça, la rivière des Outaouais. La plupart des rivières, évidemment des fleuves ici qu'on a, les fleuves et les rivières qu'on a à l'est de l'Amérique du Nord, au Canada, on a ce qu'on appelle un régime niveau glacial, niveau pluvial, pardon. Neige, pluie. Les crues printanières sont les niveaux d'eau les plus élevés. Ils apparaissent au mois d'avril, mai, parfois un peu plus tard, même sur la côte nord, là où le dégel est plus tardif. Le Rhône est comme ça. Okay. On n'a pas beaucoup de rivières en France, d'ailleurs, qui sont comme ça, parce qu'on s'entend que la Loire n'est pas alimentée par un glacier. Le glacier du Rhône, oui, joue un rôle important pour importer, pendant la période de basse eau, d'ailleurs, une partie des eaux de fonte du glacier qui va amener de l'eau. Bon. Seule chose, c'est que le Rhône n'a pas des crues printanières comme on a ici. Bon, donc on a vraiment des pics de crues, les maximums de débit au printemps. Au moment où la neige fond, le sol dégèle, l'eau aussi qui est emprisonnée dans le sol qui gèle, elle circule plus. Et quand le sol dégèle, elle recircule. Elle va réalimenter les nappes, elle va aussi alimenter une partie en fait des rivières. Part directement du sol en direction des rivières, c'est pas juste de l'eau qui ruisselle, c'est aussi de l'eau dans le sol qui va aussi alimenter les rivières. Évidemment, l'arrivée de la pluie. Puis ces dernières années, on a vu trois facteurs qui sont combinés. Des dégels rapides, des manteaux neigeux un peu plus élevés que d'habitude, malgré le fait qu'on a eu des hivers plus chauds. Puis on a eu des quantités de précipitations énormes, notamment l'année dernière, avec des événements réguliers de pluie, puis il pleuvait, puis à chaque fois qu'il pleuvait, c'était du 30-40 mm à chaque fois. Ces combinaisons, ce sont elles qui génèrent évidemment nos crues printanières, mais qui peuvent être aussi des facteurs, quand c'est exagéré, chacune des composantes, qui vont générer les inondations. Dans le contexte du réchauffement climatique, c'est ça qu'on risque de voir. On s'en fout de savoir si ça va se produire dans le futur, en avril ou en mai, ça peut se produire en plein mois de janvier, mais quand c'est au mois de janvier, c'est catastrophique. Et on a déjà vécu. Quand une crue se produit, avec des événements de pluie, pendant que les rivières et le sol est gelé, non seulement évidemment l'eau ne peut pas s'infiltrer, va tout de suite ruisseler, parce que le sol est gelé, ne s'infiltre pas, mais en plus il amène avec lui la fonte de la neige. Et en plus se rajoute le phénomène de ce qu'on appelle les embâcles, la glace de rivière qui est présente, qui va modifier l'écoulement, automatiquement former des embâcles, ralentir modifier l'écoulement de l'eau et donc générer en amont, là où les embâcles se forment, la montée du niveau d'eau et des inondations en amont de ces embâcles-là. Et on en a vu, Saint-Charles est un exemple. Laval, il y a quelques années, on a eu une grosse inondation à Laval. Et en plus, quand ça arrive en plein hiver, quand la glace, elle rentre dans les maisons, elle détruit tout. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous vous rappelez, ben pour ceux qui étaient là il y a quelques années, Laval, il y a des maisons endommagées. Quand la glace arrive, par l'épaisseur de glace qui peut être de 20-30 cm, puis quand le flot de glace arrive, ça détruit tout. Des murs, surtout que la plupart des maisons ici sont construites en bois. Donc ça c'est majeur. Alors comme je dis, alors dernier élément qui est très important à retenir, cette saisonnalité est en train de changer. La période de précipitation ou d'eau gelée est en train de changer. Puis se cumule aussi à des arrivées de façon un peu sporadique ou stochastique, aléatoire, de phénomènes de précipitation et de redoux. Ça te génère un cocktail qui est idéal pour te générer des inondations, des crues et voire des inondations. Il ne faut pas mélanger crues et inondations. Pour générer une inondation, ça prend autre chose que le niveau d'eau élevé là, ou des débits forts. Ça prend aussi un obstacle, par exemple, à l'écoulement, quand je parlais tout à l'heure des embâcles, ou du sol, par exemple, qui est gelé, d'autres qui ne peuvent pas s'infiltrer. Alors, dernière chose, l'atmosphère, plus il se réchauffe, plus il peut contenir de l'humidité. Il y a ce qu'on appelle la loi de Clausius-Clapeyron, qui est une loi physique, qui nous dit qu'il y a une relation exponentielle entre la température de l'air et le contenu d'humidité, le water holding capacity, la capacité de l'air, de l'atmosphère à contenir l'humidité. Plus tu réchauffes, plus l'atmosphère peut contenir l'humidité, et au-delà de certaines températures, c'est pas une relation linéaire, c'est une relation exponentielle. Donc, comme nous, on va connaître des taux de réchauffement qui vont être plus importants que d'autres régions, en hiver, au printemps, ça va augmenter la probabilité, plus d'humidité dans l'atmosphère, de générer des précipitations plus intenses. Enfin, augmente l'autre facteur qui est l'ingrédient nécessaire pour justement ce qu'on appelle accélérer le processus, le cycle hydrologique, dans l'atmosphère, en surface, dans le sol. Fait que pour terminer là-dessus, comme les taux de réchauffement sont très élevés dans le futur, et on les a aussi observés comme étant importants ces dernières décennies, on commence à voir, même récemment, mais surtout dans le futur, se distinguer un signal clair sur fort réchauffement dit automatiquement des quantités de précipitations plus abondantes et des intensités plus fortes. Alors, ça ne veut pas dire que Montréal ne pourra pas connaître justement des persistances, comme on l'a vu cet été, de séquences sèches. Effectivement, ça aussi, ça peut se produire, surtout dans un contexte ici, dans l'Est du Canada. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un secteur déjà extrêmement variable. Donc, je reviens à mon histoire de point de bascule au début, quand j'ai parti du général. On est dans un point de bascule qui va particulièrement affecter le Canada, l'Arctique, et certaines saisons comme l'hiver. Ce point de bascule-là a déjà été observé dans le passé, à les échelles géologiques, pendant les phases glaciaires-interglaciaires. Je vous donne un exemple. La dernière glaciation, la première fois que le glacier qui se formait ici à Montréal, il y a 20 000 ans, il y avait 2,5 km de glace au-dessus de notre tête. Le glacier, la première fois qu'il s'est formé en Amérique du Nord, c'est au nord du Québec. La dernière fois que la glace a fondu en Amérique du Nord, c'est au nord du Québec. On est déjà dans un secteur où on a, dans le nord, un endroit où il n'y a pas beaucoup de chaleur qui arrive, dans l'océan et dans l'atmosphère. On n'a pas de Gulf Stream qui arrive, des eaux chaudes qui amènent dans la mer du Labrador ou la baie de Baffin. Puis c'est l'endroit, d'ailleurs, dans l'hémisphère nord, très au nord, où on a le minimum de transport d'air chaud dans l'atmosphère. Donc, chaque fois qu'il y a un changement, c'est cette région-là qui va réagir. Ça va être plus froid ou ça va se réchauffer très rapidement. Ça va être l'endroit où ce qu'on appelle les gradients de température se forment. Ce fameux vortex polaire dont tout le monde a entendu parler peut-être dans la presse à chaque fois qu'il se passe de quoi là en hiver, là, c'est le vortex polaire. L'endroit qui est le plus froid dans toute la troposphère, dans le bassin arctique, c'est les archipels canadiennes. Quand on regarde les profils de température depuis la surface jusqu'en haut de la troposphère, l'endroit où c'est plus froid, c'est dans ce secteur-là. Ce secteur-là peut changer, mais dès lors que tu changes les gradients de température, les différences entre ce pôle froid et ce qui se passe autour, automatiquement tu génères une circulation atmosphérique qui devient chaotique ou plus intermittente, de moins en moins prévisible. Parce que c'est naturel, je veux dire, l'atmosphère, chaque fois qu'on a des différences de température, automatiquement ça rend des différences de pression, donc une circulation. Donc, le Québec est déjà naturellement dans un secteur qui est très variable et cette variabilité risque d'augmenter dans le futur. Pour créer les phénomènes de persistance chaud-sec, froid-humide, froid-sec ou autre. Mais des phénomènes d'alternance très marqués entre les séquences parfois plus chaudes, parfois un peu moins chaudes, parfois très humides ou parfois sèches. Puis l'année dernière, ça a été un bon exemple par rapport à cette année. On a connu un des étés les plus chauds et un plus sec qu'on n'ait jamais connu depuis 25 ans ou depuis 50 ans ici à Montréal, alors que l'année dernière, jusqu'au mois de mi-août, pour ceux qui étaient là, il a plu, puis le sol était gorgé d'eau, on a eu un printemps gorgé d'eau, on a eu des inondations, jusqu'à temps que... Et d'ailleurs, on a eu tellement d'eau l'année dernière que le fleuve et le lac Ontario étaient pleins d'eau au début du printemps, cet hiver. Tout le monde avait peur qu'on ait à nouveau une inondation cette année. Et heureusement, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a eu un printemps sec. Non. Et le sol était gorgé d'eau. Plus d'eau dans le système que l'année dernière, alors qu'on avait des inondations. Mais déjà, le système était plein d'eau. Fait tout ça pour dire que, j'espère que ça répond à la question, qui est très... Tous les risques reliés à la modification du cycle hydrologique dans les contextes nordiques sont de nature à générer des excès. Trop d'eau, ou pas assez d'eau, mais souvent qu'autrement, trop d'eau, dans peu importe où ça se passe dans l'année. Parce que c'est ça, on a beaucoup parlé, et ça revient sur ce qu'on disait, sur ce que vous avez évoqué, qui nous avait été évoqué ce matin sur la notion d'espace de liberté, et que, on va dire, nous réhabiter le fleuve, ou habiter le fleuve, c'est avant tout aussi lui laisser de l'espace de liberté, parce qu'il a besoin peut-être de fluctuer plus. Et effectivement, vous avez beaucoup parlé de trop d'eau, de plus d'eau. Mais est-ce qu'on peut, est-ce que à l'inverse, on parlait là d'été chaud qui sont aidés, donc on pourrait imaginer qu'il y ait moins, qu'il y ait de la sécheresse, qu'il y ait. Ouais, parce que c'est arrivé en 2010. Est-ce que c'est symptomatique de ce qui va se produire dans le passé? En 2010, on a atteint presque la limite où on n'était plus capable de. Il faut savoir aussi que la plupart des grandes villes, que ce soit Montréal, l'air ou les autres, on se fournit en eau potable sur les nappes d'eau de surface, rivières, lacs, ou de l'eau qu'on préserve mais pas en très grande profondeur. Montréal, on a deux prises d'eau. On en a une qui est en dessous du pont Victoria, puis on en a une autre du côté de Laval, à Rivière des Prairies, je pense. Celle en bas du bon jet de quartier, du pont Victoria, qui est évidemment le fleuve, on était rendu à la limite. Le niveau était tellement bas, la qualité de l'eau commençait à baisser. Parce que plus tu réduis le débit, plus tu réduis évidemment le mélange d'eau, le l'oxygène diminue, les algues et bactéries prolifèrent, etc. On était rendu à la limite où on n'est plus capable de prendre cette prise d'eau pour alimenter une partie de la ville de Montréal en eau potable. Donc on l'a connu, et effectivement, dans un climat plus chaud, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente. Ben, l'atmosphère, il contient plus d'humidité, oui, mais aussi il va évaporer plus de température plus chaude, dit plus d'évaporation. Parce que aussi il y a un lien, plus l'atmosphère ou la surface de l'eau est chaude, plus c'est facile de l'évaporer. C'est plus facile d'évaporer de l'eau chaude que de l'eau froide. Donc, on va assécher plus rapidement les sols ou les nappes d'eau de surface pour la transférer dans l'atmosphère, qui ensuite la recycle pour générer par exemple la précipitation. Mais on sait, j'ai fait des études par exemple dans les prairies avec d'autres collègues, même si on ne change pas beaucoup de précipitation, en l'augmentant ou en diminuant un tout petit peu, même si on l'augmente un tout petit peu, le fait qu'on ait une atmosphère plus chaude, donc la surface finit par être plus chaude, ça va augmenter les flux d'évaporation, donc la sécheresse du sol. Or, en été, une partie de la précipitation, ce n'est pas des transports uniquement d'humidité qui nous vient des océans Atlantique ou Golfe du Mexique, c'est une partie de l'eau qui est recyclée via les flux d'évaporation, ce qu'on appelle la convection humide. Si on a moins d'eau, ben ça va favoriser dans certains cas plus de sécheresse au niveau local. Et ça ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne peut pas y avoir aussi dans certaines périodes de l'année ou du temps des excès d'intensité de précipitation, parce que l'atmosphère en lui-même, il va devenir plus chaud, donc il contient plus d'humidité. Donc en fait, on va augmenter en fait les. Et le GIEC, il y a 10 jours, nous a dit à tout le monde, avec les études récentes, le 1,5 degré, juste avec ce réchauffement-là, ça augmente la probabilité d'avoir des sécheresses plus nombreuses, des inondations plus nombreuses. Ça, c'est les deux choses qu'ils nous ont dit, c'est très, très, très certain. Autre chose aussi, ça, c'est extrêmement certain, c'est les canicules. Et aussi, l'autre chose qui est très certaine, c'est la diminution de la fréquence ou la durée des vagues de froid. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus du tout dans le futur, ici au Canada, parce qu'on est dans un contexte où ce sera un climat froid. Mais on en aura moins souvent, donc en moyenne, il fera plus chaud. Alors moi, j'ai aussi la question sur le vent climatique. Vous avez donné des choses sur les courants marins et les courants aériens aussi, où en fait ça provoque un ralentissement de ces échanges froid chaud, notamment de Gulf Stream avec le Labrador, etc. Est-ce que ça a aussi un impact en soi, ou est-ce que c'est juste une conséquence? Tout est interrelié. C'est-à-dire que l'atmosphère, c'est un gigantesque machine à échange d'énergie entre la surface la plus importante, l'océan, 70% de la superficie de la planète, et l'atmosphère qui lui le réceptacle. Et évidemment, c'est elle qui génère le temps. Mais la mémoire en termes d'énergie, et surtout en termes de source d'eau, c'est l'océan. Donc, pour répondre à la question, le Gulf Stream, de toute façon, a toujours été modifié. Aujourd'hui, il est en train d'être modifié, il n'est pas pareil qu'hier. Mais la première raison de ça, c'est les vents. Ce qui génère les courants de surface, là, c'est les vents. Si tu arrêtes les vents, il n'y a plus de courants de surface. Le Gulf Stream n'existe plus. Le golfe de Gascogne n'est plus du tout la même chose que l'heure actuelle. Le bassin d'Irminger, au sud-est du Groenland, dans lequel il y a une recirculation anti-horaire, elle est reliée à la présence régulière de dépressions, qui sont aussi des vents anti-horaires. Le vent, c'est le générateur du moteur de la circulation de surface de l'océan. Maintenant, il y a un autre facteur qui génère la circulation de surface de l'océan, de la circulation globale de l'océan, c'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline, qui est affectée à la fois par les caractéristiques de température et de salinité de l'océan global. Alors ça, ça fluctue à des échelles de temps un peu plus longues que les courants de surface qui réagissent très rapidement à la fluctuation des vents, à des échelles, je dirais, horaires ou quotidiennes. Mais oui, ça pourrait éventuellement affecter une partie des caractéristiques de la circulation thermohaline. Maintenant, dans quel sens? Il y a toutes sortes de spéculations. Il y en a qui ont dit, ouais, ça va arrêter le Gulf Stream, puis l'Europe va se refroidir. On va se claquer le mou un peu là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'évidence complète. Si on regarde, par exemple, dans le passé, dans les phases glaciaires, ou dans les phases plus chaudes, il y a eu des phases plus chaudes que le climat actuel. Le Gulf Stream ne s'est pas arrêté. Bon. Il a eu une caractéristiques différentes, une saisonnalité différente, des circulations légèrement différentes, mais il ne s'est pas arrêté parce que les vents ne s'arrêtent pas. Bon. Maintenant, le Labrador, on l'a vu ces dernières années, on a deux zones de formation d'eau profonde. Alors, je vous fais un cours climato 101 accéléré, mais bon, vous me posez des questions, on fait que vous... C'est les vents ou c'est les grands surficiels ou c'est les deux? Alors le Gulf Stream, c'est la circulation des eaux de surface, donc c'est surtout influencé par les vents. D'accord, mais c'est les courants superficiels de l'eau. Oui. Et c'est le courant qui monte en gros des tropiques, par exemple, voilà. Vers les côtes polaires, qui remontent. Ouais. Il emprunte, il y a deux grands courants de transport d'eau chaude des latitudes tropicales vers les hautes latitudes, c'est le Gulf Stream et le Kuroshio. Kuroshio, côté évidemment eurasiatique, Japon. Le Gulf Stream, à la différence du Kuroshio, c'est que le Kuroshio, il est zonal. Il monte de l'eau, puis après ça, l'eau, elle va en direction de l'Amérique du Nord. Elle ne monte pas dans l'étroit de Bering. Il n'y a pas de transport d'eau chaude du Pacifique dans l'Arctique. L'étroit de Bering est tout petit, puis le courant, il fait essentiellement ouest en est. Alors que le Gulf Stream, il va apporter les eaux chaudes, qui vont devenir tièdes, elles se refroidissent, jusque dans la mer de Barents, qui est au nord de la Scandinavie. C'est le seul courant qui transporte des eaux chaudes en direction du bassin arctique. Le Pacifique, Kuroshio, n'a aucune influence. Très très peu. Il y a un tout petit peu d'apport dans l'étroit de Bering, mais c'est mineur. Mais bon, donc le Gulf Stream, c'est vraiment les vents, et c'est relié à la configuration des vents sur toute l'Atlantique, avec des vents dominants ouest, nord-ouest, nord-ouest, enfin sud-ouest, nord-est, qui vont transporter ces eaux en direction très au nord. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de glace marine dans la mer du Groenland, alors qu'à la même latitude, la baie de Baffin et la mer du Labrador, il y a de la glace pas mal. Kudjuak est à la latitude à peu près de... Un peu plus, légèrement plus au nord, je pense, qu'à la Hollande. La Hollande, il fait quoi au mois de janvier? Il fait 0, moins 5. Kudjuak fait moins 25. Il y a de la glace. Il n'y a pas de Gulf Stream, évidemment. Vous voyez, c'est Kudjuak. C'est vraiment le point... du Québec, c'est dans le Québec. Ouais, moi, je ne vois pas, parce que je sais, c'est comment tes Montréal sont sur à peu près la même latitude. Et on n'a pas la même température. Donc, pour terminer, Gulf Stream changera ou pas, les vents vont être modifiés, simplement les configurations, puis la plongée des eaux profondes, c'est la mer du Labrador et la mer du Groenland. Pour faire plonger les eaux profondes, c'est-à-dire, tu prends de l'eau de surface, puis tu la fais plonger à 2000 mètres de profondeur, il faut que l'eau soit plus dense, il faut qu'elle atteigne une densité plus élevée que l'eau environnante. C'est la même chose, mais à l'inverse, dans l'atmosphère, si tu réchauffes ton air qui devient moins dense que l'air qui est autour, tu vas finir par faire monter. Ben, à l'inverse, dans l'océan, tu le densifies, lui, il plonge. C'est relié à force pour ces d'Archimède. Bon, enfin, bon, peu importe. L'eau qui se refroidit, qui se sale, elle devient plus dense, elle finit par plonger. Dans la mer du Labrador, ce qui génère justement la présence de ces eaux denses et la plongée des eaux denses, c'est deux facteurs, le refroidissement parce qu'il fait froid, donc les températures chutent, la température de l'eau diminue, donc la densité augmente, puis la salinité augmente. Pourquoi? Parce que la glace de mer, quand elle se forme, la glace de mer qui est de l'eau de mer, au fur et à mesure qu'elle épaissit, elle relargue du sel. Dans ce qu'on appelle des poches d'évacuation de la saumure, cette saumure se retrouve dans l'océan et on a percolation de saumure au fur et à mesure que la glace s'épaissit, ces pulses de sel, en plus du refroidissement de l'océan, vont faire que la densité va augmenter jusqu'à atteindre un seuil, puis d'un seul coup, pouf. Et tu vois, on voit des plumes dans l'océan, la mer du Labrador, qui vont faire plonger les eaux jusqu'à 2000 mètres de profond. C'est un peu la même chose dans la mer du Groenland, sauf qu'il y a moins de glace de mer qui se forme dans ce secteur-là, parce que je vous ai dit qu'il y avait les eaux chaudes du Gulf Stream. Donc, dès qu'en plus, les hivers finissent par être de moins en moins froids, de moins en moins de glace, qui naturellement se forme beaucoup moins dans la mer du Groenland, fait qu'on a vu ces dernières années, la mer du Groenland, il y a de moins en moins des eaux profondes qui se forment. Par contre, elle est remplacée par une partie des eaux qui se forment de façon plus intense dans la mer du Labrador et qui plongent. Donc, on a ces dernières décennies, ça dépend des années, ça dépend des hivers, évidemment, on a ce qu'on appelle le North Atlantic Deep Water, l'eau froide, dense, qui se retrouve au fond de l'océan Atlantique, qui est reliée à la présence de plongées des eaux froides de la mer du Groenland et de la mer du Labrador. Et comme la mer du Groenland, la formation des eaux froides se fait de moins en moins, les eaux denses se forment de moins en moins, c'est remplacé par de plus en plus d'eau qui vient de la mer du Labrador. Mais ça ne s'arrêtera pas non plus. En période froide, ce qu'on appelle la formation de la circulation thermohaline reliée à cette température, celle, elle a été organisée de façon différente, plus au sud, parce que la glace envahissait des zones beaucoup plus, on va dire, continentales, mais aussi le niveau marin était à 150 mètres de son niveau actuel, et la glace marine, elle envahissait pratiquement la moitié de l'Atlantique. Il y avait de la glace marine jusqu'à Brest, il y a 20 000 ans. Parfois jusqu'en Golfe de Gascogne, mais ça dépendait des hivers. Bon, donc ça pour dire que ça va changer, oui, mais ça ne s'arrêtera pas. On a fait des tests, il y a des gens qui ont fait des tests, en arrêtant, par exemple, dans les modèles couplés océan-atmosphère, on arrête les vents, la circulation thermohaline, la circulation des eaux de surface s'arrête. Tout est relié. Et dès que tu remets les vents, même si tu réchauffes ou tu refroidis, la circulation thermohaline se remet en route, mais de façon différente. Et c'est les vents qui sont très très importants pour driver une bonne partie. Des circulations de surface, mais aussi le fait, pour refroidir de l'eau, si tu n'as pas de vent, si tu as des températures froides, mais tu as transporte pas beaucoup de masse d'air froide ou chaude, tu as moins de chances de refroidir ou de réchauffer ton eau. Alors que dès que tu as un transport de masse d'air avec des différentes températures, automatiquement c'est ça qui va générer les courants, mais c'est ça qui va favoriser le refroidissement de l'eau ou les flux d'évaporation. Il n'y a pas un risque le fait de modifier les albédos ou ce genre de choses, de justement modifier les différentes températures Tout à fait. Et donc le vent. Automatiquement, ça va. En fait, on est en train. C'est pour ça que je parlais des points de bascule, c'est qu'on est en train de modifier à l'échelle globale, surtout à l'échelle de l'hémisphère nord, qui se réchauffe le plus. Les différences de température entre les hautes latitudes et les basses latitudes. Générer des différences peut-être plus marquées dans certains secteurs entre l'air froid et l'air chaud. Et complètement annihiler certains gradients de température avec. Et provoquer ce qu'on appelle les phénomènes de blocage, qui sont à l'origine notamment des canicules qu'on a connues ces derniers mois. Un anticyclone qui s'installe pendant des mois ou des jours et des jours, avec du temps beau, sec, température qui peut grimper, la température de surface grimpe, donc la température de l'air. Est-ce qu'on a pu associer le changement climatique, mais est-ce que c'est la période glaciaire qui change, c'est juste un changement qui a enclenché dans tous les systèmes, ça a toujours réchauffé, refroidi, réchauffé, et on est peut-être juste au démarrage d'une nouvelle période, et puis... Ça c'est sûr. Historiquement, effectivement, on a une alternance de phase glaciaire à interglaciaire, puis l'homme n'y peut rien. C'est relié à ce qu'on appelle les paramètres orbitaux, la théorie de Milankovitch, le fait qu'on a une modification de l'excentricité de l'orbite, donc la Terre autour du Soleil, qui est modifiée, l'inclinaison de l'axe et ce qu'on appelle aussi la précession des équinoxes, donc la position de la Terre sur son orbite et l'axe, où est-ce qu'il regarde. Est-ce que par exemple on est aujourd'hui dans une situation où la Terre est proche du Soleil au solstice d'hiver, mais la Terre regarde son axe est orienté vers l'étoile polaire, donc on est dans l'hémisphère nord en hiver, même si on est près du Soleil, on reçoit moins d'énergie parce que le Soleil est au solstice du trafic du Capricorne. Et inverse, on a une situation plus isolée au solstice d'été, donc la saisonnalité, la quantité d'énergie qui arrive n'est pas la même, et ça varie sur un site de 100 000 ans. Donc oui, ces facteurs vont générer des phases glaciaires interglaciaires, et on n'y changera rien. La seule chose qu'on est en train de changer, la vitesse à laquelle on est en train de réchauffer, ça s'est jamais produit. Peut-être à part à l'époque où on a eu des météorites qui nous sont arrivées sur la tête, puis qui ont peut-être provoqué la disparition des dinosaures. Mais on a aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, mais toutes les archives qu'on a dans les glaces nous disent qu'on a atteint un taux de CO2 qu'on n'a jamais observé dans l'histoire de la Terre depuis les 800 000 dernières années. On a un taux de CO2 qui est pratiquement un peu inférieur à ce qu'on avait à l'époque des dinosaures, au Crétacé où il faisait pas mal plus chaud. Mais la vitesse à laquelle on est en train de réchauffer, où on modifie aussi la concentration des gaz à l'atmosphère dans l'atmosphère, c'est sans équivalent. La rapidité est en train de battre peut-être tous les records qu'on n'a jamais vus. Oui, il y a des phases où la Terre s'est refroidie, réchauffée, puis ça n'a rien à voir avec l'homme. Mais la vitesse à laquelle ça se produit à des échelles humaines, c'est sans équivalent. Et la Terre, quand le système climatique, quand on finit par modifier tellement les gradients de température, les quantités de glace, température océanique, on arrive à un autre état d'équilibre, dans lequel il y a un autre, on va dire, une partie en fait de la variabilité qui est en train de changer, qui se superpose à une variabilité naturelle, mais une variabilité qui est en train de basculer le système dans un état complètement différent. Les canicules, comme on a vu cet été, si on est en train de les voir, c'est symptomatique de ce qui va se produire dans le futur, là, on n'est pas sorti du bois. Là. Parce que Montréal, ça va, on avait de l'eau dans le système pour être capable de passer à travers tout l'été. Là. Mais si on a des séquences d'été secs ou d'années sèches, ben, moins d'eau dans le sol, moins d'eau dans le fleuve, moins d'eau dans les lacs, ça finit par avoir un effet... Et comme je dis, ici, on va avoir des fluctuations très importantes. La France aussi, l'Europe en particulier, parce que l'Europe est affectée par ce qu'on appelle des phénomènes de blocage persistants. En 2003, la canicule que l'Europe a vécue, qui a engendré 20 000 morts en France, 30 000 morts à l'échelle européenne, elle a été générée par un système de blocage anticyclonique qui a duré pendant plusieurs semaines. Il stagne. En fait, le blocage, l'anticyclone est provoqué aussi par d'autres phénomènes dans la troposphère, mais il y a un système qui fait en sorte de blocage, qui fait en sorte que la circulation est bloquée. Au lieu de circuler d'alternance haute pression, basse pression, ben là, il y a un système qui reste bloqué. Soit basse pression, et puis il se met à pleuvoir toujours au même endroit. Soit de l'autre côté, ben, quelque part ailleurs, il se met à faire sec, pas de précipitation, puis le sol se réchauffe, il finit par... Et l'Europe est affectée déjà par des blocages réguliers qui peuvent être évidemment fortement influencés par ce qui se passe non seulement dans l'Atlantique, le réchauffement de l'Atlantique, mais aussi ce qui vient de nos régions. Comme dit souvent aux Européens, le problème il vient souvent de l'Ouest, il vient d'ici. L'air froid il peut venir en Europe du Nord, de Sibérie, les systèmes dépressionnaires et l'air froid, une bonne partie, ça vient d'ici. On traverse l'Atlantique puis s'en va en direction de l'Europe. Alors, le problème de ce que je suis en train de vous expliquer depuis pas loin d'une heure, c'est que la plupart de nos décideurs ne sont pas informés de tout ça. On ne fait pas un état actuel, alors là je m'adresse à vous, et puis encore une fois, ceux qui vivent ici de façon régulière me contrediront, pas de problème. On n'a pas une culture scientifique ici au Canada, en Amérique du Nord en général. Le nombre d'émissions scientifiques qui me parlent de ce que je viens de vous dire, vous en voyez beaucoup, à part découvertes, non. Science et avenir, mais surtout pour des universitaires, pour des gens comme vous qui s'intéressaient un peu à... Mais le commun est mortel. Alors il y a ce premier aspect-là, l'aspect communication. Deuxième élément. Malgré tous les gouvernements et malgré la bonne volonté du gouvernement Trudeau, il n'y a rien dans les faits qui se passent. Mais rien. Oui, il a ralenti un petit peu, ou il a annihilé certains programmes que l'ancien gouvernement conservateur, qui lui était clair. Lui, c'est les sables bitumineux, puis l'accès au plus bas prix des énergies fossiles pour booster l'économie. Mais la différence par rapport à l'Europe, c'est que les gens ne prennent pas conscience, n'ont pas conscience de ça. Parce qu'il y a un problème de sensibilisation, il y a un problème aussi de prévention. Tous les Européens sont tellement au fait de ce genre de problématiques-là. Il y a eu la COP à Paris. Si on n'en a pas entendu parler par Hollande, on en a entendu parler par Merkel, par les Anglais, par les Espagnols, par les Italiens, par une bonne partie en fait de la communauté européenne qui s'est mobilisée. Les Scandinaves aussi, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si en Suède, ils ne parlent pas d'ici 2025 d'avoir 50% des véhicules automobiles qui sont électriques. Ici, on parle de 15%. Or, le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre ici au Québec, c'est l'automobile, enfin c'est le transport individuel, le transport évidemment de marchandises, parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup la route ici. Communication, sensibilisation. Donc, un problème de transfert des connaissances scientifiques. On n'est pas dans une culture ici nord-américaine de culture scientifique. On se méfie des intellectuels. On se méfie des scientifiques. C'est vrai ou pas? Ouais, j'imagine. Ouais, mais c'est vrai qu'on les écoute pas, en fait. Ou on les écoute pas. Ouais. On fait semblant de les écouter du coin de là, mais du moment que ça dérange. Et puis l'autre, à cause, et ça c'est aussi c'est historique, l'Amérique du Nord s'est développée sur un principe de base. L'accès au plus bas prix aux ressources, quelles qu'elles soient. Et on a la matière première au Canada, on s'entend. Aux États-Unis, c'est la même affaire. Mais il n'y a pas de taxes comme on a en Europe sur l'essence, sur la plupart des produits pétroliers, même si on en a un peu, même si on va dire l'essence à Montréal est plus chère qu'en Ontario, par exemple. Peu importe, on n'a pas les mêmes niveaux de taxes. Le prix encore de l'essence aujourd'hui est deux fois moins élevé qu'en Europe, grosso modo. Même si le taux de change nous est davantage en ce moment, parce que l'euro souvent monte par rapport au dollar. Bon, il y a ce principe-là. L'autre chose aussi, c'est que c'est vraiment un enjeu majeur. Moins aux États-Unis, mais ça affecte le Canada. Le Canada est le pays du G8 dans lequel je vais vous parler de ces problèmes-là depuis une heure et quelques. Donc c'est des enjeux énormes pour une ville comme Montréal, pour les habitants qui dépendent beaucoup, beaucoup de l'eau, parce que c'est des dangers. Il faut savoir que l'inondation ici, c'est 40% de l'ensemble des catastrophes naturelles au Canada, c'est les inondations, mais c'est 75% des dépenses publiques. En plus, à la différence de la France, de l'Europe et des autres pays, les inondations ne sont pas couvertes par les compagnies d'assurance. C'est le public, c'est mes impôts, c'est tes impôts, c'est les impôts des Albertains, des Colombie-Britannicus qui nous payent ici les inondations au Québec, ou nous qui payons les inondations en Alberta. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance ici, elles veulent pas assumer le risque d'inondation. Ça fait 25 ans qu'on a des cartes d'inondation qui n'ont jamais été mises à jour. Dans lequel on a, à l'époque, quand elles avaient été faites, notamment à Montréal, dans la plupart, la communauté métropolitaine de Montréal est en train de les faire, on n'a jamais tenu compte du fait du changement climatique, que les niveaux d'eau allaient changer, que les inondations allaient être affectées par le climat qui est en train de changer. Donc les compagnies d'assurance, encore une fois, c'est comme les ingénieurs tout à l'heure, elles ont hors d'incertitude. Eux, il faut chiffrer le risque. Pour être capable de le chiffrer et donc de dire, voilà, ça va vous coûter tant, il faut avoir des cartes de risque d'inondation à jour. Or, on n'en a pas à travers le Canada. Donc, il y a un problème de déni, de manque de responsabilité au niveau politique. On a beaucoup de ressources, on s'en sert, puis le reste, c'est là pour booster l'économie. Et puis les problèmes d'environnement, souvent, ils sont relégués au deuxième, ou au troisième, voire au dernier niveau. On vient d'avoir une campagne électorale, on a parlé combien de fois d'environnement? On a parlé combien de fois de recherche, de science? Ça ne fait pas partie des priorités. Et dernier élément, on pense que ça va se produire chez les autres, mais ça se produira pas chez nous. Nous, on a de l'eau. On a 1 million de lacs. Le Saint-Laurent, il est plein d'eau. Pourquoi parler de pénurie ou d'excès? Non, pas de problème. L'année dernière, on a été en inondation à Montréal. Ouais, non, bon, c'est exceptionnel. Puis ça se produira moins dans le futur. Donc, il y a un problème de déni, puis de moi, ce que j'appelle aussi la culture de l'ignorance. Pendant 15 ans, on a eu un gouvernement conservateur qui nous a maintenus dans l'ignorance. Il a empêché les villes comme Montréal, comme autres, de développer leur infrastructure avec la meilleure connaissance scientifique. D'ailleurs, on se parle entre nous, là, mais si je vous dis ça aujourd'hui, là, puis que je disais ça d'ailleurs ce matin aussi, si les gens ignorent tous ces faits, là, si tu n'as pas la connaissance scientifique, comment tu veux prendre des décisions, développer les stratégies, mettre en place les plans d'aménagement qu'il faut, en ayant la meilleure connaissance des phénomènes qui peuvent éventuellement, ou qui t'ont affecté, ou qui peuvent t'affecter dans le futur? Tu ne peux pas prendre des décisions éclairées. Ou alors tu le fais sur des hypothèses, mais ça ne dure pas bien longtemps. Parce qu'en plus, le changement, comme je disais tout à l'heure, le système est en train de changer extrêmement rapidement, plus rapidement d'ailleurs qu'on pensait il y a quelques années. Donc tout ça pour dire qu'on a développé une culture de l'ignorance avec un gouvernement conservateur qui pendant 15 ans a fait du déni. Je le sais parce que j'ai travaillé en Environnement Canada. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement conservateur? Plus de 90% du financement des énergies vertes s'en allait aux compagnies pétrolières pour développer les sables bitumineux. En leur disant, non, on s'occupe de ça parce qu'en plus ça va leur permettre de réduire justement leurs émissions de gaz à effet de serre en développant des nouvelles technologies qui sont moins énergivores pour extraire leur pétrole. c'est un faux problème, t'extrais du pétrole, tu leur donnes de l'argent qui sont censés normalement être là pour développer les énergies vertes. On s'est entendu que le bouquin, le pétrole, c'est pas très vert. Mais bon. Donc, essentiel du financement pour les énergies renouvelables ou vertes était donné à les compagnies pétrolières. Et on vient d'acheter, alors c'est sur le Sunday, avec un nouveau gouvernement libéral qui a arrêté une partie de ces subventions-là, on vient de s'acheter collectivement un pipeline. Nous, nos taxes, on vient de s'acheter un pipeline pour faire sortir les sables bitumineux en direction du port de Vancouver. C'est fun. Donc, on cautionne le système, c'est ce que je dis toujours à mes collègues, je dis, ben, on est d'une hypocrisie abominable. Parce qu'on va à Paris en disant, ouais, on va être fort là-dessus, le Canada, malin. Ouais, mais on vient de s'acheter collectivement un pipeline pour produire encore plus de gaz à effet de serre, parce qu'il faut savoir que les sables bitumineux, c'est deux fois la production de gaz à effet de serre que la production de pétrole conventionnel. C'est très énergivore, il faut pulser de l'eau à haute pression dans le sol pour déstructurer, hein, en plus le réchauffer. La déperdition énergétique et surtout le gaspillage d'eau, c'est hallucinant. Donc la culture d'ignorance, c'est pendant des années, ben, on a coupé les budgets dans tous les ministères qui s'occupaient de ça, y compris dans la recherche. Fait que plus tu coupes les budgets de recherche, moins t'en entends parler, et plus la population est maintenue dans l'ignorance, puis dit, ben, n'y a pas de problème vu qu'on n'en parle pas. Et aujourd'hui, on est encore dans cette situation-là, parce que il n'y a pas eu de réinvestissement majeur dans ce qui concerne la recherche. Le pays du G8 qui investit le moins par capita en recherche dans le domaine du changement climatique qui concerne, c'est le Canada. Or, c'est peut-être l'un des pays qui aurait le plus intérêt justement à investir, parce qu'on va être fortement impacté vu qu'on va connaître les taux de réchauffement les plus importants et donc la modification du cycle hydrologique associé. Donc, c'est un problème, c'est problématique. Je collabore avec des collègues en projet FAST, un exemple. Ce financement-là est disparu. On ne peut plus appliquer sur un financement. C'est un financement du CRDI, le Centre de Recherche et Développement International, qui s'était mis avec deux autres organismes pour être capable de faire des merging des fonds de recherche pour les sciences naturelles et sciences de la santé. C'était un projet d'ailleurs super intéressant. Et sciences sociales. Où on était avec des météorologues comme moi, mais il y avait des gens qui travaillaient ensemble de la santé et des sciences sociales, pour être capable de mettre tout le monde ensemble pour travailler sur les problématiques qui sont très transversales, qui touchent toutes sortes de domaines, sécurité alimentaire, production agricole, etc. Ces fonds-là ont disparu. On a coupé ces projets-là. On avait une formidable fondation qui s'appelle la Fondation canadienne des sciences du climat et de l'atmosphère, qui a permis justement de développer des modèles, de mieux comprendre l'évolution du cycle hydrologique ici, les composants du cycle hydrologique. On a fait des campagnes de mesure, ça a permis de former des étudiants. Ce programme-là a été formé par le gouvernement Harper en 2010-2011, n'a jamais été renouvelé. Depuis, la plupart des étudiants qu'on a formés ici au Canada sont partis en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine. On a formé la relève qui a ensuite été embauchée ailleurs. Puis aujourd'hui, on ne peut plus embaucher, plus faire venir des étudiants étrangers alors que la demande est très forte pour les former ici parce que les fonds de recherche ne permettent pas. La différence aussi qui est très très très importante ici, en Amérique du Nord, j'imagine que vous le savez, les étudiants payent des frais d'inscription. Alors, moins élevé au Québec qu'en Ontario et encore beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis. Sauf que quand vous allez aux États-Unis, vous avez un bon dossier, vous êtes automatiquement financé, vous avez des bourses d'études. Ou alors vous avez les parents derrière. Ici au Québec, c'est difficile parce que les frais d'inscolarité ne sont pas moins élevés qu'ailleurs, mais on parle quand même, bon exemple, moi j'ai des étudiants en maîtrise et de doc, notamment les étudiants étrangers. Les étudiants québécois, c'est à peu près pour une maîtrise, c'est à peu près 5 000, 6 000 dollars par année. Quand tu es étudiant étranger, que tu n'es pas français, que tu ne bénéficies pas d'un corps, c'est 13 000 dollars de plus que ton 5 000, 6 000 dollars. Et qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas payer ça si on ne leur fournit pas les bourses pour être capable de vivre. Ou alors ils sont obligés de travailler à côté, mais ça veut dire qu'ils ne font pas les études à plein temps pour être capable de. Puis si tu veux maintenir de toute façon un taux de recrutement normal et aussi avoir une capacité de former les étudiants, pour adresser ces problématiques, travailler dans les cabinets d'architectes, connaître ces problématiques-là aussi de temps en temps, travailler avec des aménagistes aussi qui ont entendu parler de ce phénomène-là. Que ce n'est pas juste un problème de climatologues qui travaillons ensemble tout seuls dans notre coin et qui disons on produit des belles cartes en disant ça va se réchauffer. Et c'est là que ce serait intéressant d'envoyer la discussion sur OK. Donc, non, parce que là on est sur un point, effectivement, c'est pas très. C'est un peu triste, quoi. Mais de se dire, bon, si nous on est là aujourd'hui, c'est qu'on est bien et qu'on nous a fait venir, c'est qu'on est bien conscient de ça, même si on n'a pas toute cette connaissance-là. Et que, quelque part, on a une responsabilité aussi, et qu'on est des acteurs de la vie publique qui peuvent, à un moment donné ou à un autre, toute modestie, mais de pourquoi pas essayer d'agir, de discuter, d'influencer nos maîtres d'ouvrage, machin. Là, on travaille sur cette notion de réhabiter le fleuve qui ne s'arrête pas à la berge et à l'eau. Pour nous, on est déjà conscient que c'est des problèmes globaux qu'il faut et des rapports au monde qu'il faut changer sur, ouais, entre la société et son environnement. Mais donc, ça va se passer. Ouais. Ça va se passer, on va être bouleversé. Mais comment aujourd'hui on est capable, nous, de faire en sorte que cette transition qu'on va subir soit moins pire, ou qu'on essaye quand même de dire OK, on a fait des conneries, mais on peut essayer d'aller de l'avant, essayer de positiver, et de dire comment les villes s'adaptent à ça. Et vraiment concrètement aussi, au fait de dire OK, on a besoin de laisser l'espace de liberté aux espaces naturels, on a besoin de transformer, d'avoir plus de végétation en ville peut-être pour avoir moins d'îlots de chaleur. Là où, quand on ouvre des magazines, quand même, je dis ça, nous, dans le monde de l'architecture, enfin, c'est bon quoi, la Smart City va tout régler. Ouais. Hein, on va mettre encore plus de technologie, on va mettre encore plus de progrès dans la ville, et c'est ça qui va tout régler. Non, c'est pas vrai. Ah, moi, j'y crois pas en tout cas. Donc, c'est de dire aujourd'hui, quels sont quotidiennement, comment on pourrait, selon vous aussi, ce qu'on imaginait la ville, comment vous voyez la ville pour changer d'échelle, non, et de dire mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui pourrait être changé. Il y a des solutions, et elles existent, et elles sont d'ailleurs souvent, elles nous crèvent les yeux, mais on les voit plus. Et je reviens d'ailleurs, ça me fait penser à ça, parce que traditionnellement, les Nord-Américains, on est adapté aussi à des conditions très rigoureuses. Et on a parlé tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que ça va être plus variable. On sait aussi construire dans des environnements aussi où il fait particulièrement froid, où il y a des changements, mais très importantes températures à l'échelle de l'année. Il y a aussi d'autres pays où on peut s'inspirer, qui ont l'habitude de ça. On va par exemple en Afrique du Nord, la plupart des bâtiments sont en blanc. Vous allez à Marrakech, vous allez à Rabat, vous allez à Tunis, toutes les ruelles sont fraîches. Pourquoi ? Parce qu'on empêche le soleil de rentrer, on a des grands murs, on a de la surface blanche qui réfléchit le soleil, donc on a une capacité aussi à s'adapter justement à les conditions qui sont, mettons, plus caniculaires. Pour revenir à l'eau, puis les conditions nordiques, ben on sait, les gens qui sont habitués, qui vivent en campagne, ils savent que ton fossé va se remplir d'eau à chaque année et tout ça. Donc il commence à y avoir. Il y a quand même des bonnes. J'ai été pessimiste tout à l'heure, mais oui, il y a des solutions qui existent, mais peut-être elles ont besoin d'être simplement plus systématiques, plus systématisées. On commence par exemple, et on s'inspire d'ailleurs de systèmes traditionnels qui existent en Europe. Au lieu d'avoir des surfaces asphaltées ou bétonnées partout, des trottoirs, par exemple, on commence à avoir des endroits où on va mettre dans certains arrondissements des fossés avec des cailloux qui vont récolter l'eau, avec des têtes d'égouts qui sont pensées de façon intelligente. Parce que l'eau va pouvoir, ou la neige, s'accumuler. Au lieu de tout le temps, en plus, nous, on gaspille énormément d'eau ici, et aussi, ça nous coûte très, très, très cher, la ville de Montréal. Parce qu'on ramasse la neige, alors qu'à Québec, d'ailleurs, on la pousse. À Montréal, on la ramasse, puis on l'entasse dans l'état, et ça reste d'ailleurs la dernière tempête. Dernier hiver, on a encore de la neige qui n'est pas fondue dans certains dépotoirs. Malgré le fait qu'on a eu un hiver très, très chaud. Bon, donc il existe des solutions pour justement être capable de mieux optimiser l'utilisation ou l'eau qu'on a sur le territoire qui tombe, sous forme gelée, neige, ou sous forme liquide. Recréer ce qu'on appelle les milieux de vie. Puis vous, l'architecte, vous avez un rôle fondamental à jouer. La ville doit être un milieu de vie, et non pas une ville bétonnée pour soi-disant accumuler des personnes. Ce sont des endroits où on doit vivre et vivre, et apprendre à vivre en commun. Je reviens encore une fois sur l'expérience que moi j'ai des populations sahéliennes, où ces pays particulièrement pauvres, ce sont les endroits de vie. Tous les quartiers vivent à Niamey. À chaque coin de rue, il y a quelqu'un qui va faire retirer une chaise, qui, malgré le fait qu'il n'y a pas d'argent, va offrir à manger à Donc en fait, on vit, et surtout en Amérique du Nord, et en particulier à Montréal, dans des endroits clos, enfermés, isolés, dans lesquels on a l'impression de se protéger de tout, y compris du reste du monde. Or, à force de se protéger, on finit par se nuire. D'abord parce qu'on crée les antipathies. Mais on finit par nous-mêmes créer les conditions risquées dans lesquelles on souhaite se maintenir ou évoluer. Donc, il y a des traditions qu'on peut garder ici, de façon ne serait-ce qu'architecturale. Le bois est un... On en a beaucoup du bois. On a voulu beaucoup bétonner ces dernières années. Peut-être faudrait revenir aussi à des... Le mélange bois ou nouveaux matériaux, ça peut être aussi le cas. Revégétaliser, ça c'est vrai pour ici, mais c'est vrai pour ailleurs. D'abord parce que pour la gestion de l'eau, c'est beaucoup plus efficace. Je vais prendre l'exemple de Lyon, qui est un bon exemple. Je ne sais pas parce que je suis lyonnais, mais c'est vrai. Vous savez que Lyon a voté la charte de l'arbre ? Vous ne le savez pas ? Dans lequel toute nouvelle construction doit automatiquement impliquer tant de surfaces végétalisées, tant de réutilisation d'eau de ruissellement pour arroser les jardins et diminuer la vitesse à laquelle l'eau ruisselle en direction des égouts ou des fleuves. Donc le nouveau, si vous avez l'occasion d'ailleurs, je ne suis pas allé, mais il faut que j'y aille, musée de la Confluence, tout autour il y a des espaces verts, tout ça, mais il y a des jardins aussi qui infiltrent l'eau, les parkings sont utilisés. En Hollande, ça c'est un super bel exemple, il y a des endroits qui servent à des parkings pour les autos, qu'elles soient électriques ou pas, mais une partie de l'année, elles vont être submergées pour simplement... récolter une partie des eaux qu'on n'est pas capable de mettre ailleurs pour éviter justement que certains endroits soient inondés. Ben, il y a des endroits où à un moment donné, si c'est un usage qu'on en fait juste pour parquer notre automobile, on peut en faire d'autres usages, ou on peut enlever les parkings pour en faire d'autres usages. Reprendre en fait notre environnement en main et faire en sorte que notre environnement participe aussi à nos milieux de vie. Puis, Montréal est un bel exemple, parce que quand même à Montréal, au moins on peut dire ça, on est l'une des villes canadiennes dans lesquelles on a la plus grande superficie de parcs verts. Mais il faudrait les optimiser. Ces dernières années, on n'a pas eu tendance à en faire beaucoup. Il y a ça. Diminuer aussi la contamination. Je vous parlais tout à l'heure à propos des surverses. Vous savez que c'est un problème. Je vous ai parlé du fait que quand on a des fortes précipitations, mais aussi quand on a de l'eau qui arrive sur de la neige, alors là c'est pire, parce que le sol est gelé, donc là tout de suite ruisselle, puis en plus emmène la neige. Puis l'eau, la neige, la différence encore plus de la pluie, c'est qu'elle stocke des substances toxiques, des métaux lourds, des particules en suspension, dans l'atmosphère, des huiles, pendant une partie de l'hiver. Si vous voyez l'état, vous êtes déjà passé le printemps ici. L'état des ruelles à Montréal, c'est dégueulasse. Parce que tu as toutes sortes de saloperies qui s'est accumulées dans les ruelles, dans la neige, mais la neige aussi va accumuler des substances toxiques. Donc, si jamais il y a une forte précipitation qui arrive sur la neige, ça ruisselle, mais ça apporte des substances toxiques qui sont parfois plus dommageables que juste par un petit pot, parce que ça a été dilué. Donc, revenir à une meilleure façon d'optimiser justement l'eau sous toutes ses formes ici à Montréal, l'utilisation des surfaces vertes, arrêter de faire du développement architectural comme on a l'habitude de le faire dans les grandes villes au cours du XXe siècle. Je vous donne un exemple, et Montréal, c'est typique. Montréal est en plein boom de construction en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes baladé un peu en centre-ville, mais c'est hallucinant la quantité de grues. On construit des buildings, des hôtels partout. Et c'est des beaux buildings. Et c'est une conception ancienne de la façon dont on doit aménager le centre-ville. On veut densifier de plus en plus pour éviter l'étalement urbain. Sauf qu'en faisant ça, on crée des endroits où on crée ce qu'on appelle les conditions de paupérisation des populations. Le centre-ville se densifie, oui, mais de populations extrêmement riches. Parce que les buildings qu'on voit à Griffintown ou ailleurs, la commune est mortelle, ne peut pas se payer ça. Un appartement au sommet d'un super beau avec la vue sur le fleuve, c'est 800 000 ou 1 million de dollars. Heureusement, Montréal, c'est pas Toronto. On n'a pas encore atteint les taux de... Mais on ne peut pas continuer à faire ça comme ça. Donc, il faut revoir des quartiers en pensant au milieu de vie avec la meilleure façon de gérer à la fois le verre, l'eau. Se réapproprier le fleuve. Moi, je dirais carrément pour vous, ce n'est pas réhabiliter, mais c'est habiter le fleuve. C'est réhabiter, hein, le terme. Réhabiter le fleuve. Oui, c'est habiter. Ouais, moi, je dirais habiter. Un exemple, utiliser le fleuve pour toutes sortes de vocations, récréatives, fraîcheur, quand il fait très chaud. La température de l'eau n'est jamais très très chaude, le Saint-Laurent. On ne montera pas à 29 degrés ici. Je parle de l'eau. On peut... En Europe, c'est un bel exemple. Encore une fois, à Lyon, mais c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Amsterdam, c'est vrai pour Rotterdam. Si vous regardez la quantité de gens qui vivent sur l'eau dans les grandes villes européennes, au lieu d'utiliser comme un moyen, parce que de toute façon, la plupart des grands fleuves en France, en Europe, ont perdu leur vocation de transport maritime. Oui, il y a encore des barges qui transportent de la marchandise sur le Rhône. On s'entend que c'est moins en moins le cas. La plupart du temps, maintenant, c'est sur le rail et tout ça. Et donc, il y a des gens qui se sont réappropriés ces milieux de vie pour vivre toute l'année sur une péniche ou partie de l'année, etc. Lyon, c'est super agréable. Une bonne partie des quais, maintenant, c'est des restaurants, des boîtes de nuit. Moi, quand j'étais à Lyon 3, à l'époque, sur les quais, on traînait pas longtemps le soir sur les quais de Rhône. Hein. Généralement, c'était un coin mal famé. Là. Ben, aujourd'hui, tout le monde se promène, les gens avec des enfants et tout ça. Donc, se réapproprier les berges, et notamment le fleuve. Ça, ouais. Ça me fait penser par rapport à ce qu'on disait là. Instinctivement, j'aurais tendance à dire comme si on considère que, par exemple, ici au Canada, il y avait de la désinformation ou d'un manque d'information pour le grand public. Est-ce qu'on peut imaginer que, de manière générale, connecter les populations au milieu naturel et au milieu du fleuve peut, remplacer le manque de connaissances scientifiques tout simplement en recréant un lien à la nature et de sorte que les gens se sentent concernés. C'est-à-dire à un moment donné, si on crée une piscine en Loire, on en parlait, il y a peut-être des problèmes comme ça, moi je me suis toujours dit, après, pour moi, il ne faut pas que ce soit payant, enfin, il y a tout un côté, attention à l'usage commercial, mais il y a un côté, genre, si à un moment donné on commence à se baigner dans l'eau de son fleuve, forcément on va commencer à se dire, je me sens concerné. Oui, tout à fait. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les enfants. Si tu profites du milieu de vie dans lequel, que ce soit en nature ou ailleurs, tu vas finir par préserver. Ça, c'est tout à fait normal, parce qu'effectivement, tu as besoin de dépendre de ce milieu-là. Au Canada, on a évidemment une tendance, normalement, à être très pro-environnement, très près de l'environnement. Mais il y a une nouvelle sondage qui vient de montrer que de moins en moins de Canadiens passent du temps à marcher ou dans la nature. On est de plus en plus citadins. Malgré le fait qu'on est l'un des pays les plus grands du monde, après la Russie, dans lequel on a une superficie de territoire vierge énorme. Donc oui, mais le fleuve est un espace de vie extraordinaire. Ce matin, je parlais justement avec vos collègues architectes en disant « Ouais, on va créer cet endroit-là, les berges et tout ça, pour être capable de regarder l'île Sainte-Hélène. » J'ai dit « C'est super l'île Sainte-Hélène, mais juste regardez l'eau. » En bas du Bon Jacques-Cartier, quand vous me promenez, il y a les chutes, il y a les courants très forts. C'est super beau. Enfin, moi, personnellement, ça me détend. Je veux dire, quand je vais au bord de l'eau, c'est une façon de me réapproprier mon état. On vient tous de l'eau. L'eau nous rassure, mais aussi nous calme. Généralement, pas quand tu es très stressé, mais tu peux prendre des substances, mais tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais généralement, l'eau, c'est un endroit qui nous attire, dans lequel on se sent bien. Donc c'est ça, mais il y a aussi effectivement se réapproprier, prendre le temps aussi de retrouver un contact avec la nature que souvent on a perdu en ville. Les gens, naturellement, à part ceux qui vraiment sont férus d'eau, ils vont aller sur le parc Jean Drapeau parce qu'il y a une plage. Mais ici, il y a des gens qui se plongent dans le port. Bien sûr que je me baignerai là, mais bon. Avoir un contact régulier avec l'eau. Il y a des endroits à Montréal à prendre en exemple. Verdun, dans lequel une bonne partie en fait des réappropriations des berges et les réhabilitations des berges qui sont en train de se faire. Verdun a gagné une qualité de vie extraordinaire. Moi, j'ai des amis qui vivent là-bas, ils me disent « Waouh, c'est génial pour les enfants, t'as le fleuve qui est à côté, t'as les promenades qui sont là, les pistes cyclables. » Un autre côté complètement à l'est de Montréal, dans un ancien quartier industriel qui est relativement pauvre, le quartier vraiment à l'est d'Hochelaga-Maisonneuve, ben ils ont créé des parcs ou agrandi des parcs dans des anciens sites industriels pour redonner l'accès au fleuve. Donc ça c'est important, mais le fleuve, la biosphère peut aider, parce que la biosphère justement c'est un endroit justement pour développer la culture scientifique et le transfert d'informations scientifiques sur l'eau, sur le fleuve Saint-Laurent. au grand public. Donc il y a une vocation qui est en train de se recréer avec justement une exposition qui va être renouvelée. Mais ouais, le fleuve est un est une source de vie et oublions le côté on n'a pas géré comme il faut le système, on l'a laissé un peu dépérir, même si ça s'est amélioré ces dernières années, on a besoin de d'en prendre soin parce que les gens faut qu'ils prennent conscience de l'empreinte grandissante que l'être humain a sur l'environnement, y compris sur nos réserves en eau. Le fleuve Saint-Laurent, compte tenu de sa superficie, est un véhicule de toxicité énorme pour l'Atlantique. On a, il y a deux ans et demi, ouvert les égouts. Le Flush Gate. Et on en a retrouvé la trace dans, dans pas mal d'endroits sur le, sur, sur, dans le fleuve. Mais oui, puis surtout le transport maritime, comme on le fait aussi, on parlait tout à l'heure de. Je pense que c'est avec vous, non, c'est à midi que je parlais de Bangkok, des villes d'eau. Tous les taxis sont sur l'eau. Alors, certes, on ne peut pas le faire ici l'hiver, mais l'été, pourquoi pas utiliser le fleuve aussi comme un moyen de transport ? On ne sait pas, l'hiver, d'ici quelques années. Ouais. Mais bien sûr, c'est. Après, oui, c'est des dynamiques qui sont en cours à Montréal. C'est en cours, mais c'est long à bouger ici. C'est très long. Il faut arriver à un consensus. Il ne faut jamais heurter personne. Il y a toujours des pouvoirs, des gens qui disent oui, hein, qui disent non. Mais juste le fait que Montréal, qui est en une île, doit se doter des infrastructures pour être capable d'accéder à l'île sans dépendre de la voiture. Alors, on a des ponts. On est en train d'en construire encore un gigantesque pont Champlain qui est en train d'être revampé pour faire venir des véhicules. Bon, c'est sûr, c'est l'autoroute, mais il y a des gens qui viennent, qui l'utilisent, comme moi, sur la rue sud. J'ai une moto, ceci dit, je ne vais pas en voiture, je pollue moins. Mais bon, il y a. En fait, Montréal, on pourrait utiliser une bonne partie du fleuve pour transporter à partir des barges, des piétons et des cyclistes ou des scooters électriques en été. On ne l'utilise pas. Il n'y a aucune navette entre Saint-Lambert et une partie du centre-ville de Montréal. Il y en a une maintenant qui s'est fait du Vieux-Port, mais pour transporter du touriste. Il n'y en a pas une chaque matin ou chaque soir ou plusieurs fois dans la journée, comme la plupart des villes d'eau. C'est à ça, si ça se faisait ça, commercialement, ça pourrait fonctionner, non ? Ah mais bien sûr. Ce serait une façon justement de se réapproprier et de dire « Waouh, mais il est super beau mon fleuve. Comment ça se fait que j'en ai pas pris soin pendant toutes ces années ?» Que je ne regardais pas ce qui se passait, que je passais à 50 mètres au-dessus du pont Jacques-Cartier avec mon automobile, puis j'avais de la difficulté à regarder en bas parce que c'est trop haut, puis je ne savais même pas qu'il y avait un fleuve en bas. J'exagère à peine. Mais je disais ce matin, encore une fois, se réapproprier le fleuve Saint-Laurent, on a des espèces de poissons qui sont exceptionnelles, on a des esturgeons. Le grand esturgeon jaune ou esturgeon qu'on ne consomme plus malheureusement, vous pouvez le pêcher. Mais il est protégé. Mais vous ne pouvez pas vendre sa chair, parce qu'elle est. Elle ne peut pas être contaminée. Vous pouvez en consommer, mais c'est votre problème. Mais on a des espèces de poissons qui sont exceptionnelles dans le fleuve, même jusqu'à Montréal. On a. Je parle de toutes les villes d'eau. Quelle ville d'eau n'a pas forcément un quai avec des pêcheurs qui pêchent ? Sur la Saône, moi j'ai toujours vu, à moins que ça ait changé. Des pêcheurs à l'île Barme qui pêchaient, ça fait partie du quotidien, ça. Vous allez dans la plupart des pays européens, là où il y a de l'eau, il y a toujours un pêcheur quelque part hein, qui a discuté avec. En fait, créer un milieu de vie dans lequel on a l'impression qu'il y a de la vie, parce que ça dépend de. Le milieu fait vivre le monde et puis créer des activités. Alors, quand même, une partie de l'hiver, c'est pas aussi évident. Mais traditionnellement, les Québécois ont toujours, avant qu'on crée l'île Sainte-Hélène, donc à partir de Remblai, puis qu'on modifie l'écoulement, donc la vitesse d'écoulement du fleuve, qui est accélérée d'ailleurs dans le chemin Laurentien, à proximité du Vieux-Port de Montréal, la vitesse de l'eau est donc diminuée la présence de glace. Mais avant, si vous regardez les photos de Montréal au début du XXe siècle, on pouvait faire du patin pratiquement jusqu'au milieu du fleuve. La glace pouvait se former, les eaux étaient calmes, la glace pouvait se former. Donc il y a des endroits où on pourrait se réapproprier ces milieux, créer, j'aime beaucoup l'idée d'espace de liberté, redonner des espaces de liberté dans certains endroits du fleuve, en disant on arrête de bétonner, on arrête de construire, on va laisser naturellement le fleuve envahir certaines zones, se recréer des milieux humides, qui sont de toute façon des endroits où la biodiversité locale va pouvoir se reconstruire. Naturellement, les cours d'eau, ils ont des endroits où ils vont accumuler de sédiments versus les endroits où ils vont en prendre, se créer des méandres, créer des endroits où justement ils vont réduire leur vitesse d'écoulement. Ça va permettre la végétation à se développer, ces espèces de grenouilles de pouvoir être présentes, des oiseaux qui vont dépendre de ça. Toutes les cours d'eau sont les premiers milieux de vie qui existent sur Terre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, puis en particulier l'eau douce. Donc, faut repenser ça, puis c'est vrai pour Montréal, mais c'est vrai pour Nantes, c'est vrai pour la plupart des... Arrêtez de penser que l'eau est justement un endroit où on fait transiter des marchandises. On a aussi besoin de faire transiter les personnes, puis aussi faire profiter ce milieu de vie, cet espace-là aussi aux gens, pour relaxer ou pour faire autre chose. Moi, je suis pas... Je vivais à Perrache, à côté de l'eau. Là. Si je voyais pas de l'eau tout, une fois par jour, j'étais pas bien. Moi, la montagne et l'eau, là, c'est deux affaires qui sont... Je ne pourrais pas... Ça m'a fait énormément de mal, d'ailleurs, de partir de Rimouski. J'étais à Pointe-au-Père. À côté du... Je passais tous mes... Mon fils était jeune à l'époque, je passais des ans sur la plage. Mais l'eau, ça fait partie de milieu de vie. Tu peux pas... Enfin, je sais pas, à part d'habiter... Même sur le plateau en Lozère, quand je faisais des fouilles sur les côtes du Larzac, on finissait le soir par descendre la Méruès au bord du Tarn pour aller se baigner, de toute façon. Et c'est vrai pour la Loire, je pense que la Loire est suffisamment, on va dire, dans certains endroits, dépolluée pour en faire aussi des endroits où les gens se... Parce que le jour, il y avait un super beau reportage que moi je regarde régulièrement TV5. Ou c'est-tu la Loire ou la Garonne, aux endroits où justement les pêcheurs retournent des îles naturellement, où ils ont décidé d'arrêter de construire le chalet, parce que puis l'autre il protège son chalet, parce que chaque fois qu'il y a une crue, il est détruit. Bon, ben, tu t'arrêtes de construire, mais tu en fais les espaces où les gens se réapproprient le milieu, ils vont à la pêche, ils connaissent le milieu qui est en train, qui est dynamique, une rivière c'est dynamique. Arrêtez aussi de concevoir des endroits où on veut absolument des endroits rectilignes avec des cours d'eau qui sont comme des canaux. C'est un peu vrai pour Montréal, quoique ouais, dans certains endroits en bas du pont Jacques-Cartier, ils ont fait les quais. Faut être capable justement, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de courant, que les navires arrivent puissent s'accoter. En fait, il faut recréer des endroits, comme ça se fait, comme on disait, l'espace de liberté, on enlève les structures de béton, on laisse la rivière se développer, ça peut protéger justement certains secteurs en aval, parce que l'eau va monter en amont, parce qu'elle va créer des méandres qui vont faire en sorte que le courant va diminuer, les sédiments vont s'accumuler, ça va faire augmenter localement le niveau d'eau, mais ça va protéger le fait que les niveaux d'eau n'augmentent pas plus en aval. Donc, ah, tout à fait. Et puis, ça va créer des endroits où la glace va pouvoir se former. Parce que l'hiver, bah justement, l'eau sera un peu plus stagnante, moins de circulation. Donc, les gens vont pouvoir, peut-être, dans certains coins, refaire du patin quand les hivers le permettent. De toute façon, on n'aura pas le choix. C'est pas nous, c'est nos enfants. Ou les générations après. Mais tôt ou tard, à la vitesse à laquelle on a pollué à la fois l'eau, l'air, créer les changements environnementaux, que ce soit climatiques ou autres, on ne peut plus continuer à cette vitesse-là, on s'en va droit dans le mur. Mais comme je dis, c'est vraiment... peut-être vous êtes au courant ou pas, mais c'est vrai pour Montréal aussi. Il est sorti un article qui est pratiquement tombé complètement inaperçu, parce qu'évidemment, ce n'était pas le temps d'en parler. Vous connaissez le sommet de Davos, les plus riches du monde qui se réunissent pour dire, bon, au niveau économique, comment on peut s'arranger pour faire encore plus d'argent. C'est un peu ça. Eh ben, le Sommet économique mondial a fait un article avec un rapport qui s'appelle le Global Risk Report, où ils ont analysé, d'un point de vue économique, quels étaient les facteurs de risque qui pouvaient déstabiliser l'économie actuelle, qui pouvaient engendrer des crises, des catastrophes, puis quels étaient les niveaux de risque les plus élevés. Alors, c'est sûr que les guerres civiles et les problèmes qu'on voit un petit peu avec l'État islamique de ce monde et tout ça, là, les guerres civiles en soi, là, c'est le premier facteur de risque. Là. Mais le deuxième facteur de risque, c'est le changement climatique et les extrêmes. Tous les risques associés à la modification de l'environnement en général. Ce sont eux qui sont en train de créer les plus grandes migrations dans le monde, qui exacerbent les problèmes avec les guerres civiles, en particulier dans les pays africains. Si en Europe, il y a autant de gens qui émigrent, c'est parce que soit ils sont tués pour des raisons de religion, soit ils ne sont pas capables de manger, souvent les deux. On est en train de créer des zones mortes, où de toute façon on n'est plus capable de développer, et c'est vrai pour le fleuve. Hein. Le fleuve Saint-Laurent et les endroits où on sait que c'est suite trop contaminé pour que certaines espèces naturellement biodiversité a disparu. Il y a des points de retour. Points de retour. Les endroits aussi où on devrait, en particulier ici à Montréal, parce que c'est quand même une... Montréal, il faut voir ça aussi comme un gigantesque territoire, parce que l'île de Montréal, c'est plus grand que Paris intramuros. C'est 48, 42 ou 48 km de long, sur la plus grande largeur, c'est 25 km. C'est une île qui est entourée d'eau, dans lequel, naturellement, il y a des endroits de biodiversité en termes de présence de masses d'eau qui sont exceptionnels. Donc, ces fameux espaces de liberté nous permettraient de recréer des milieux naturels qui sont déjà ou qu'on a perturbés pour essayer de rétablir une certaine biodiversité. Puis, on le sait que plus on améliorera de façon la qualité de l'eau, plus les gens vont se la réapproprier, vont aller se baigner, vont aller pêcher. Ils vont aller se promener sur l'eau, parce qu'ils n'auront pas l'impression que quand ils vont mettre la main dans l'eau ou tomber à l'eau, ils vont se brûler ou ils vont se contaminer. Et puis aussi, ça permettrait de maintenir une certaine qualité de l'eau constante, présente ici pour la population montréalaise, qui dépend essentiellement du fleuve pour pouvoir avoir accès à l'eau potable. Mais le gros défi, c'est de changer la façon tellement individualiste qu'on a de concevoir nos milieux de vie et nos habitations. On ne veut pas être emmerdé par le voisin, fait qu'on préfère se calfeutrer, quitte à entourer notre parterre de béton. Parce qu'il n'y a personne qui va venir avec sa table de pique-nique si c'est pas agréable. Quitte à ce que ce soit pas agréable pour nous, c'est pas grave. J'exagère à peine. Souvent, on a eu tendance à... C'est vrai ici, mais c'est vrai aussi parfois ailleurs en Europe. Oh oui, c'est très grand en Europe aussi. On est loin d'être exemplaire. Recréer les milieux de sociabilité, et puis ça, on a énormément de leçons à tirer de nous, les pays vulnérables, les pays pauvres. C'est bien une chose que je ne sais pas si certains d'entre vous ont été en Afrique. Ça, une chose que j'ai appris quand j'étais en Afrique, c'est la gentillesse des gens et l'ouverture qu'ils ont. C'est hallucinant. Ils ont beau être pauvres, mais ils vont t'accueillir avec de l'eau et à manger. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour la plupart des pays riches. En général, on a le pauvre. On va le regarder, on va lui donner 2 $, mais c'est rare qu'on va prendre le temps de parler avec lui, de manger avec lui, puis de lui offrir l'hospitalité. On va aborder un peu en commun, la notion de travailler, sur des erreurs qui essaient justement de donner un peu un autre poids face à l'évolution du bien privé, de la propriété privée, de l'individualisme, ouais. Dans ce sens-là, essayer de retourner, d'emmener des scénarios, des tentatives de refaire du commun. Puis aussi ce que disait tout à l'heure, faut pas penser que la technologie résoudra tous nos problèmes. au contraire. On est trop dépendant de la technologie. C'est qu'à cause de la dépendance qu'on a de la technologie, ça peut engendrer les catastrophes, ou ça peut être un facteur de catastrophe de demain. Je vous donne un exemple, franco-français, mais c'est vrai pour n'importe qui. Le dernier cyclone Irma, qui s'est produit d'ailleurs donc, sur l'île de Saint-Martin, les gens avaient appris à oublier c'est quoi l'utilité du téléphone satellitaire ou du talkie-walkie. Tout le monde dépend du téléphone cellulaire. La première chose qui tombe quand tu as une forte tempête, c'est les antennes. C'est que les gens en service d'urgence sont retrouvés dans une situation où ils n'étaient pas capables de communiquer entre eux. Des services d'urgence? Ouais. Parce qu'ils avaient oublié d'utiliser ou de brancher le téléphone ou le talkie-walkie. Ils disaient, oh putain, ça peut servir ça. Donc, les vieilles technologies classiques, souvent, elles ne peuvent nous sauver les situations parce qu'on dépend trop de la technologie. L'autre chose aussi qui est extrêmement importante pour vos générations, qui sont encore plus pour la génération de qui vous suit, cette forte dépendance aux technologies accélère le processus de dégradation de l'environnement. Les téléphones cellulaires, c'est l'une des pires choses en ce qui concerne la pollution que ça peut générer. Dans chacun des téléphones cellulaires, il y a des petits, ce qu'on appelle des terres rares, pour être capable d'augmenter la vitesse des processeurs et la miniaturisation pour augmenter les capacités et tout ça. On va extraire de plus en plus de ressources pour un petit gramme, des quantités de roches et de terres énormes. Cette dépendance aux technologies est en train de nous tuer en plus, parce qu'elle génère les conflits d'aujourd'hui et de demain, à travers les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, c'est une belle chose, parce qu'on a une démocratisation du « je vais te dire que ». Mais aussi, on a ce que moi j'appelle une démocratisation du côté sombre de l'âme humaine. Et ces technologies-là sont en train de nous créer justement cette fameuse source de potentiel de conflit de demain. Il faut se réapproprier les milieux de vie, mais la façon dont on a aussi de gérer notre quotidien. Alors, les Scandinaves ne sont pas pires là-dessus. Parce que non seulement ils optimisent l'utilisation de leurs ressources, ils évitent justement d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Je donne un exemple parce qu'on en parlait cette semaine avec des collègues. Au lieu d'avoir à développer des grosses infrastructures hyper volumineuses, très énergivores, ben ils ont décidé de réutiliser une partie de la matière, par exemple ligneuse, de leur production, parce qu'ils ont beaucoup de forêts en Suède, pas juste des IKEA de ce monde-là, mais d'aller localement utiliser la matière première qu'ils ont pour développer la main-d'œuvre locale, la spécialiser, la former, arrêter de dépendre systématiquement des Chinois pour produire telle ressource, et finalement trouver une façon de moins dépendre des technologies ou des autres matières qui viennent du reste du monde. Alors, vous allez me dire, c'est de l'autarcie. Oui et non. C'est de mieux utiliser les ressources pour diminuer leur dépendance au pétrole, retrouver une façon de mieux construire leur habitation, arrêter de construire systématiquement des routes, alors que là, on n'en a pas nécessairement besoin partout, en tout temps. Arrêtez de penser que notre technologie, le fait qu'on modifie l'environnement, va résoudre tous nos problèmes, y compris le fait qu'on soit heureux. Et les Scandinaves, ils ont une façon de revoir, on va dire, cette philosophie en ce qui concerne les entours, et l'eau et les ressources qu'ils ont font partie de leur thème central. Si vous allez n'importe où en Suède, je suis passé, ou même d'ailleurs au Danemark, à quel point ils ont... D'abord, un, c'est les premiers à avoir rendu le vélo en ville quelque chose de... Quand on va, par exemple, à Copenhague, Amsterdam et tout ça, là, c'est les premiers à avoir vraiment développé, redonné la circulation des piétons et des cyclistes, notamment en ville, pour être capable de se réapproprier. Mais surtout, l'accès au transport public est tellement facilité que personne ne pense, même dans certains cas, prendre son auto. Ça évite de construire trop de routes, etc. Ça finit par optimiser, en fait, une partie des ressources. Et, je termine là-dessus, parce que je vais devoir y aller. J'ai comparaison, finalement, Nantes et Montréal. Montréal devrait tirer des leçons de ce qui se passe en France, et peut-être la France un petit peu de ce qui se passe ici, quoique. Mais une des choses qu'on devrait faire, Et c'est vrai pour les nouveaux aménagements ou la planification des aménagements de demain. Et ça, on peut tirer les leçons de la France, mais les Européens en général. C'est qu'on a de la difficulté ici en Amérique du Nord, en particulier au Canada, aux États-Unis, c'est moins le cas, à tirer ce qu'on appelle les leçons apprises, faire des retours d'expérience. Ok, il s'est produit un événement dans le passé, ou s'est produit un incident. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ce qui s'est produit ? Est-ce qu'on a bien fait les choses, mal fait les choses, puis comment on pourra mieux s'adapter ou mieux réduire les risques qu'un événement de ce type-là se produise dans l'avenir. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour le milieu de vie en général ou les conditions dans lesquelles on vit. Je vous donne un exemple. En France, en Europe, à chaque fois qu'il se produit un événement catastrophique, inondation à Paris, Irma de ce monde qui détruit Saint-Martin, automatiquement, ça fait partie de l'État centralisé, là. Il y a une directive ministérielle, là. Ségolène Royal, à l'époque, quand elle était là, elle envoie une lettre, ça descend dans toute la hiérarchie. Météo France est impliquée, les experts sont là, le ministère du Transport, l'industrie, évidemment, parce que c'est Météo France, tout ça, tout le monde est autour de la table, environnement, en disant, bon, c'est produit de quoi, là? Il y a eu la démission, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, du maire de Lyon, parce que lui, il était tanné de se faire... Mais lui, il était toujours là, à chaque fois qu'il se passe de quoi. Le ministère de l'Intérieur, c'est un des ministères qui est toujours, toujours interloqué quand il y a leçon apprise ou faut tirer les leçons. Ici, au Canada, on ne le fait pas. Et on devrait le faire, parce que ça nous permettrait justement de pouvoir justement faire les retours d'expérience en disant « Ah, peut-être là, on pourrait mieux faire la prochaine fois. » Tu sais, il y a un coin de Montréal, l'année dernière, il y a eu une inondation. Là. Il n'y a pas eu de commission d'enquête, là. Personne qui a fait un retour d'expérience vraiment systématique. Et du travail qui est en train de se faire dans certains quartiers de Montréal pour faire du intervention auprès des sinistrés, parce que c'est un problème de stress post-traumatique et tout ça. C'est long à guérir. Quand les gens ont été inondés, qui ont tout perdu, hein, ça affecte les gens, ça affecte leur entourage, ça affecte les relations interfamiliales, ça affecte plein de choses. Donc, trouver une façon de faire des retours d'expérience. La France n'est pas pire là-dessus parce que, comme je dis, il y a un État très centralisé. Le Québec l'est beaucoup moins. Alors parfois, c'est même parfois excessif en France quand tellement c'est centralisé. Mais Xantia était un bon exemple. Je pense qu'on est en train de voir. On parle d'espace de liberté. En France, il est en train d'arriver des choses qu'on ne pensait pas qu'il arriverait. Les gens, on est en train de leur dire, regarde, tu reconstruiras pas là, tu vas aller te mettre ailleurs, on va t'indemniser ou pas, même si ça nous finalement nous coûte plus cher, c'est parce qu'on fait un retour sur l'investissement, on se dit, ben, peut-être à court terme ça va me coûter, mais à moyen et à long terme ça me coûtera moins cher. Parce qu'indemniser la personne, la déplacer, faire venir un service d'urgence chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a des chances qu'au bout de ligne, ça finisse par s'accumuler pour me coûter de plus en plus cher sur le moyen et le long terme. Si à Montréal et au Canada, on raisonne très très très court terme. Dans 4 ans, je me fais-tu réélire ou pas là. Puis si je me fais réélire ou pas, c'est-tu politiquement payant pour moi de faire un rapport d'enquête ou faire un retour d'expérience? Ça, on ne le fait pas. Mais aménagement, c'est très important parce que ça nous permet à chaque fois de voir finalement ce qu'on a aménagé ou pas, ou le milieu de vie qu'on a créé, il est-tu résilient ou pas résilient? Cette notion de résilience en ce qui concerne les infrastructures, l'architecture, l'aménagement, tout ça, c'est extrêmement important. La Hollande arrive à faire ça. Parce que collectivement, ils se sont dotés de moyens pour intégrer tout le monde dans la décision. Les populations, les agriculteurs, les gens en ville, les ingénieurs, les maires, jusqu'au niveau fédéral, tout ça, tout le monde est impliqué. On peut-tu collectivement voir comment notre territoire, on est capable de mieux le gérer? Et en France, ils le font un petit peu, mais comme je dis, il y a des initiatives qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Et tirer les leçons, ça permet justement de voir ce qui n'a pas fonctionné, puis voir comment font mieux les autres que nous, puis comment on pourrait justement mieux s'adapter. On n'a pas le choix que de faire ça. Comme je disais tout à l'heure, là, on s'en va droit dans le mur. Mais le mur, le problème, c'est qu'il est en train de se rapprocher plus rapidement qu'on pensait. Soit on décide de changer de trajectoire, parce que moi, personnellement, ça ne me tente pas d'être dans le mur, même si je ne verrai peut-être pas le mur trop tôt, quoi, qu'il est en train de se rapprocher avant que je disparaisse de cette terre, mais quand même, ça me ferait chier pour mes enfants, pour les générations qui suivent. pour rapport là, les taux de plastique dans l'océan, hein, pas sûr qu'on va continuer à avoir autant d'espèces qui vont survivre à ce taux de contamination là aussi affolante. Puis le climat est pratiquement là. Alors on s'en rend pas compte parce qu'on se dit ouais, mais c'est pas comme le plastique qu'on voit là. Sauf que les événements s'accumulent. Il y a eu combien de morts dans l'eau de la semaine dernière, hein? Ils sont rendus à... Ouais. 14, 20. Ouais. Ouais, ben, je pense qu'on est tous assez conscients de ça. Non, mais à chaque fois, il faut faire notre premier examen de conscience. Je le fais moi-même aussi. La prochaine véhicule que je vais devoir acheter, je vais me poser la question, tu continues à acheter une voiture à essence? La réponse est non, mais là, j'ai hâte d'avoir une moto surtout électrique. Il va falloir que je rajoute un muffler qui fait du bruit, parce que moi, électrique, c'est pas... Mais non, il faut nous-mêmes faire notre examen de conscience, mais c'est surtout... Notre fameuse dépendance à la technologie, il faut vraiment sérieusement la questionner parce que ça accélère le processus. Il y a peut-être un lien avant qu'on se quitte dont je voudrais vous parler. On était très nombreux à participer à cette résidence. Et oui, on est toujours nombreux, évidemment. On a perdu personne en route, même si certains sont retournés. En France. Il y a trois fois ou parce que... Non, parce qu'ils avaient moins facilement réussi à se dégager trois semaines de temps à côté du travail, c'est pas simple. Et on s'est fait un exercice entre nous qu'on a ouvert à tous les intervenants, c'est-à-dire qu'au tout début de la résidence, on a fait des capsules sonores, on s'est enregistré sur trois thèmes, l'eau, le fleuve, le bien commun, habiter. Et ça donne des enregistrements qui varient entre 30 secondes, une minute, deux minutes. C'est quelque chose d'assez spontané, c'est pas un exercice à faire. Hein. Il n'y a pas de notes en tout cas. Nous, on l'a fait au début parce qu'on allait se mettre à travailler, à explorer ces notions-là, donc on sait qu'on voulait un peu faire un temps zéro, hein, sans influence. On ne les a pas écoutés, on se les garde, on les stocke pour la fin. Et donc on invite les intervenants à se prêter au jeu, si ça leur dit, à nous partager finalement voilà, leurs impressions de manière très spontanée, en disant voilà, habiter, qu'est-ce que ça représente pour moi, l'eau, le fleuve, qu'est-ce que ça représente pour moi, le bien commun, qu'est-ce que ça représente pour moi. Et donc si ça vous dit de participer, il s'agit, c'est fait avec un téléphone portable, alors la technologie, je ne sais pas ce que vous avez comme téléphone portable. J'en ai pas. Eh ben voilà. Ben. Je suis un dinosaure, fait que. Non mais c'est bien, c'est bien. Moi quand je parle de dépendre des technologies, j'essaie le moins possible de dépendre. Mon ordinateur est déjà une source de tracas parce que j'imagine que vous, comme tout le monde, je considère qu'aujourd'hui, si tu ne réponds pas à ton email dans les 30 secondes, c'est que tu n'as pas pris de temps, etc. Mais la quantité de emails qu'on reçoit par jour, hein, en particulier les profs, hein, si en plus j'avais un téléphone cellulaire, hein, ils... Écoutez, en tout cas, je me dis que si jamais vous voulez participer, vous trouverez peut-être un micro ou un enregistreur sur le téléphone d'un collègue, peut-être, je ne sais pas. Sinon, vous pouvez nous envoyer une adresse. Non, je vais vous partager en quelques mots par email. Mais je pense qu'il y a un micro sinon sur les ordinateurs. Ouais, oui. Non, j'exagère quand je dis. Mais oui, un téléphone aujourd'hui, on n'a pas besoin à la limite de ça parce qu'effectivement, les ordinateurs ont tout. Ou une tablette. Bon. Je n'ai pas de tablette, j'ai un téléphone qui a un ordinateur qui a tout. C'est vrai, voilà, ça. Vous pouvez vous enregistrer au micro. Si ça vous dit de participer, on renverra un mail, je pense, pour remettre peut-être un peu les règles. Alors, il faut juste que je l'écrive. Bien-être, habité. Il y a l'eau, le CH, le fleuve. Ouais, le bien commun. Bien commun. L'eau ou le fleuve, ça dépend un peu de ce qu'on a proche, quelque chose de très personnel sur le rapport à la guerre, quelque chose de plus général sur l'eau. Puis habiter. Habiter. Non, mais je vais vous écrire quelque chose ou je vous enregistrerai quelque chose. C'est enregistré. Ouais. C'est écrit. C'est ouais, ouais. Non, mais moi en plus, l'écriture, c'est parce que je vais vous faire un roman fleuve et que c'est peut-être plus court que si je me mets à parler. Pour le temps, quand vous savez, ça peut être court, c'est chacun fait comme ça. Puis vous voulez ça pour quand? Hier? Non, en gros, l'idée c'est qu'on continue à collecter cette matière. Là, on va faire la deuxième partie de la résidence à Lens. Voilà, d'ici, en gros, la fin octobre, ce serait pas mal, parce que ça nous laisserait le temps de justement commencer la partie à Nantes, on est archivé la matière. Donc, après la retraite, ah non, d'ailleurs, j'ai vu ou pas, mais c'est super beau dans le centre-ville qu'ils ont refait. Mais moi, j'avais une question pour vous, parce que j'ai vu ça en passant ici tout à l'heure. Saint-Henri, en fait, ce quartier-là que j'ai pas vu depuis pas mal d'années, 30 ans de se revamper, c'est super beau, et nouveaux aménagements, il y a des beaux immeubles avec la vue sur le fleuve et tout ça. Ici ou d'ailleurs dans d'autres quartiers. Est-ce qu'il y a eu des aménagements, justement, construction d'HLM ou autre à Nantes, à proximité de la Loire ou... du logement social. Parce que souvent, les UP, on a eu tendance à les emmener dans les endroits en France où c'était l'HLM. Ouais, non, c'est pas forcément le cas. Enfin, ouais. Les tours HLM, plutôt des années 70-80, ont été construites aussi en partie sur l'île de Nantes, sur les bords, etc. Donc, non, pas forcément un expert, quoi qu'à l'époque, non, c'était pas la ville. Dernièrement, comme tous évidemment, étaient dans un ancien lieu industriel, en tout cas chantier naval, plutôt. Là, ils ont fini de construire tout un tas d'immeubles sur l'île. Ils vont encore en construire beaucoup. Je suis pas expert, hein, mais je sais qu'il y a les HLM. Je pense qu'ils ont essayé de mixer entre de la propriété, du primo, de la location, du primo accédant, de l'HLM afin de mixer un peu les populations. Et du logement accessible pour les différentes échelles de prix dans les ouais, logements. Ouais, logement. Nous ici, le problème, c'est que les gens qui sont construits au bord de l'eau ces dernières années, ce sont surtout les gens qui ont les moyens. Griffin Town est un exemple, Canal de la Chine aussi, tous les gens qui sont au bord de l'eau, c'est des logements, des duplex, tout ça, qui sont assez dispendieux. On en a très peu. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup de logements sociaux abordables à proximité de l'eau. Ou alors, il faut aller dans l'est de l'île. Ah non, c'est bien du placement, il y a du social, mais il y a aussi... Enfin, ouais. En proportion, c'est quand même majoritairement... Oui, mais le pourcentage est plus ou moins grand, et les meilleurs, enfin, les endroits les plus près du fleuve, c'est pas le plus grand pourcentage. Mais peut-être aussi, ça vient de notre éducation. On a parlé tout à l'heure de la sensibilisation, ça commence très très jeune. Il faut arrêter de faire peur aux enfants avec l'eau. Oui, je pense qu'il y avait... Le feu, on peut toujours continuer à leur faire peur, il faut quand même qu'ils fassent attention. Mais l'eau, on a eu certaines tendances, à certaines générations, à leur faire peur. Je donne un exemple, ma mère avait peur de l'eau parce qu'on lui disait ne t'approche pas de l'eau en permanence quand elle était petite. Et on lui disait surtout pas, on lui apprenait pas c'était quoi l'eau, un milieu de vie, etc., etc. Nous, notre génération, ça allait, on a commencé à parler de façon un peu d'environnement. Vous, j'imagine que vous, beaucoup. Les nouvelles générations, un peu plus. Mais je suis pas sûr que l'eau fait partie du thème. On n'aborde pas l'eau dans tous ses sens, comme un espace de vie, comme un milieu de vie. Ce serait une façon justement de redonner... ça teinte la façon même dont on s'approprie le milieu. C'est sûr. Super. Ouais.